Je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a débloqué. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ludologie, le podcast du jeu sous toutes ses formes. Comme toutes les deux semaines, nous allons parler avec Manuel et l'invité du jour de jeux de société, de jeux de rôle et de jeux vidéo. Aujourd'hui avec des questions assez intenses, on va parler tactique, esthétique, morale, peut-être même éthique. Ce sera d'ailleurs intéressant de questionner la différence. Mais je vais laisser mon camarade Manuel nous présenter le sujet du jour. Oui, aujourd'hui, tu l'as presque défloré. Bonjour à tous. On va effectivement parler de jeu tactique, jeu esthétique, jeu moral. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi les différences ? Comment ça s'équilibre tout ça ? Avec notre invité du jour. Notre invité du jour est auteur de jeux de rôle. Tiens, le site Outsider a publié Milvo, a publié Influenza, a publié S'échapper des faubourgs, a publié Dragon Fly Motel, J'en oublie et Odyssea récemment, qui est une revisitation de l'Odyssée d'Homère. Et j'en oublie probablement d'autres, mais voilà, vous avez déjà, peut-être si vous vous intéressez un petit peu aux jeux de rôle et notamment aux petites publications, aux choses un peu émergentes, différentes, vous voyez probablement de qui je veux parler. Et pour les autres, je vais vous le dire tout simplement, il s'agit de Thomas Munier qui publie du jeu de rôle depuis déjà quelques années et qui se pose plein de questions sur le format, sur l'approche qu'on peut avoir. Et notamment, c'est lui qui est venu nous voir effectivement avec cette question qu'il souhaitait traiter dans le podcast jeu esthétique, jeu moral, jeu tactique, point d'interrogation. Alors Thomas, cette catégorisation-là, en trois parties, moi, en tant que joueur de jeu de rôle et qui m'intéresse un peu à la théorie du jeu de rôle, elle me rappelle furieusement d'autres choses. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu de Ron Edwards là-dessous ? Ouais, tout à fait. Donc là, l'idée, c'est de parler des trois types de jeux, jeu de rôle, jeu vidéo, jeu de plateau. Mais mon cheminement personnel, c'est vrai qu'il vient de la théorie GNS, hein. Donc il y a une théorie qui a été développée par Ron Edwards, il y a Vincent Baker, John Kim, il y a Yang aussi qui est impliqué là-dedans, et qui distinguait en fait trois dynamiques sociales possibles dans le jeu de rôle, qui étaient le ludisme, le narrativisme et le simulationnisme. L'idée, c'était de reprendre cette théorie, mais de l'analyser pas forcément sous le critère de la dynamique sociale, mais plutôt de voir ça comme des atomes de jeu, et aussi d'en faire quelque chose qui pour moi, en fait, en tant que game designer, soit plus compréhensible, fasse moins de contresens, parce que j'estime que les trois termes, que ce soit ludisme, narratisme ou simulationnisme, sémantiquement, c'est vraiment des choses trap. Alors qu'on peut en dire, enfin, quand on étudie bien les articles et qu'on va au-delà des... Parce que même dans les articles, ils se contredisent, ils font des erreurs d'interprétation les uns entre les autres, mais quand en étudiant bien les trucs, on arrive à débunker, mais en fait dès qu'on revient au terme, c'est compliqué, et je trouve que tactique, morale, esthétique, ça me paraît plus clair, en tout cas pour moi, comme outil pour créer, pour comprendre les jeux et pour pouvoir en créer. Et du coup, je me suis permis de faire un lien avec l'article de Nicole Lazzaro, Why We Play Games, qui a été cité par Jérôme Larré, hein, déjà dans vos micros. Nicole Lazzaro, qui distingue quatre types de fun, quatre types de plaisir. Donc il y a le hard fun, ou autrement appelé le firo, qui est vraiment lié, on va dire, à un plaisir tactique, plaisir de remporter des épreuves, d'être plus fort, de progresser. Il y a le serious fun, alors qui est censé être un plaisir d'apprentissage. Après, j'en faisais peut-être une interprétation, peut-être qu'elle est abusive, on pourrait en discuter, mais qui est c'est effectivement apprendre des notions, des connaissances. Par exemple, tu parlais du trial poursuite, Manuel. Mais ça peut être aussi, je pense, se mettre dans des situations morales et apprendre, en fait, avoir des enseignements moraux, quoi. Du coup, un jeu qui soit un peu plus cathartique. Et puis elle distingue aussi le easy fun, qui est un plaisir de la curiosité, de la découverte, qui me semble assez corrélé quand même à un plaisir esthétique. Et puis pour finir, et c'est ça qui est important, qui complète bien la GNS, c'est le people fun, qui est le plaisir social. Alors dans la GNS ça n'existe pas, si tu veux, parce que les mecs qui ont fait ça c'était des sociologues, donc pour eux le social était partout. Mais n'empêche que tu vois, en jeu de rôle, quand on fait des typologies de joueurs, il y a toujours ces typologies fourre-tout. On dit, ah oui, bah il y a le mec qui est juste là, soit on appelle la centaurette, ou on l'appelle juste le social, ou le buveur de bière, mangeur de chips, qui est juste là en fait pour passer un bon moment avec ses copains. Et en fait, c'est pas un fourre-tout, c'est une vraie intention de jeu à part. Et quelque part, la GNS, je trouve, a tort de l'exclure de son champ de calcul, quoi. Donc l'idée c'était de dérouler avec vous chacun des quatre atomes, de montrer que c'était rare qu'il y en ait qu'un seul dans un jeu. On avait parlé de Candy Crush, hein, notamment. Alors mon Candy Crush, on a le sentiment que le jeu est purement tactique, et puis finalement Adrien, tu nous avais expliqué que en fait, il y a une grosse composante sociale, puisqu'il y a l'interaction avec les autres. Bon, c'est du social asynchrone, mais c'est quand même du social, quoi. Et que c'était assez difficile de trouver des... D'ailleurs, on pourra discuter la pertinence de, effectivement, est-ce qu'on doit limiter un jeu à un seul type de fun, ou est-ce qu'on doit en avoir plusieurs. Et on pourra discuter aussi de la notion de dominance, et c'est que, est-ce qu'il n'y a pas toujours un des atomes qui va dominer le reste, en fait. Et les autres atomes seraient un peu au service de cet atome dominant. Est-ce qu'on peut aborder la notion de tactique ? Alors, juste avant ça, puisque effectivement, je pense que ça mériterait déjà de définir chaque point. Qu'est-ce que tu entends par tactique ? Qu'est-ce que tu entends par esthétique ? Qu'est-ce que tu entends par morale ? Parce que par exemple, un podcast précédent a montré que esthétique, par exemple, a une autre lecture pour d'autres personnes qui appelleraient ça peut-être élégance visuelle, sonore, etc. Donc c'est juste pour inviter à repréciser ça à l'avenir. Et j'aurais juste une remarque sur le social, puisque tu dis l'aspect social, le joueur social, entre guillemets, est là pour passer du bon temps. J'ai envie de dire, tout le monde est là pour passer un bon moment. Qu'est-ce qui distingue le social du tactique, du coup? Je pense que tu peux aller en convention de jeu de rôle, par exemple, et te dire je vais aller à une table de Donjons et Dragons, juste pour voir si t'es capable de réussir le scénario, et que le côté de passer un bon moment avec des inconnus, ce soit vraiment quelque chose de mineur dans ce que tu recherches, quoi. Bon, tout comme on parlait des jeux vidéo, les jeux vidéo FPS où t'es tout seul à jouer, est-ce qu'il y a encore une composante sociale, quoi ? S'il n'est pas connecté à un réseau social, tout ça. Enfin voilà, si tu joues aux échecs contre un ordinateur, c'est pareil. Est-ce qu'il y a encore une composante sociale ? Donc je pense qu'on peut trouver des cas où le social est absent. Ou on peut même, je pense, des fois jouer en groupe, mais sans une réelle dimension sociale, quoi. Si honnêtement, si tu vas, je sais pas, si tu vas à une compétition de jeu de go, si tu rencontres des gens, peut-être que tu vas te faire des amis, mais quand t'es en train de jouer, t'es pas dans le social. Du coup, on va te laisser préciser un petit peu effectivement les différents aspects, puisque c'est ce qu'appelait Adrien de ses voeux, et effectivement c'est le propos du podcast, hein, que d'aller travailler ces quatre éléments-là. Je trouve qu'on retrouve des choses un petit peu de la classification de Roger Caillois aussi sur les jeux, avec quelques éléments en moins. Par exemple, j'ai l'impression que même si on pourrait avoir de l'esthétique, mais la notion de jeu de vertige, par exemple, qui est présente chez Caillois, qui est un truc un peu compliqué, parce que ça rentre difficilement dans nos catégories, mais en gros, c'est un jeu où on a assez peu de capacité à changer des choses en tant que joueur, ce qui est un peu contre-intuitif pour un jeu, mais où c'est le sentiment que ça va produire du fait d'être dedans, d'être participant, qui en fait quelque chose d'intéressant, c'est là où il intègre les manèges, les balançoires, mais aussi dans une certaine mesure des jeux sur lesquels t'as pas de prise. Je pense par exemple au jeu à gratter où il faut tout gratter. Du coup, tu n'as strictement aucune prise sur ce qui va se produire dans le jeu, mais il y a un vertige du qu'est-ce qui va se passer. On a déjà eu l'occasion de discuter en amont du podcast de ce que tu appelais les jeux machine à sous. C'est un peu cette approche-là aussi, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est un effet de vertige qui compte avant tout de qu'est-ce qui va se passer quand je vais rentrer un input. Il y a quelque chose de l'esthétique, mais il y a aussi effectivement un truc qui est lié au sentiment de la personne, au-delà de ce que ça produit graphiquement, on va dire. Donc ces questions d'atomes, finalement, ouais, elles recouvrent beaucoup de choses, de questions qui se sont posées dans d'autres formats de jeu que le jeu de rôle. Alors, en jeu, ouais, il y a la notion d'input, en fait, c'est-à-dire ce que fait l'actionneur, ce que fait le joueur. Il y a la notion de boîte noire, c'est-à-dire comment fonctionne le jeu, qui n'est pas forcément précisé, quoi. Par exemple, dans la machine à sous, l'input, c'est j'appuie sur le levier. La boîte noire, c'est... vous perdez presque tout le temps. C'est ça la boîte noire, quoi. C'est bon, concrètement, c'est pas exactement comment ça fonctionne. On sait qu'on a de faibles chances, mais c'est pas chiffré, quoi. On a le feedback qui est comment tous les chiffres qui défilent, la musique, les lumières qui clignotent partout. Et il y a effectivement cet effet de vertige, de transe. Il y a presque une catégorie supplémentaire dans le jeu de machine à sous, c'est le jeu d'argent, et quelque part aussi le côté la monétisation du jeu. Je pense qu'on pourrait en parler en conclusion. La monétisation du jeu, c'est quelque part un atome supplémentaire qui va clairement dominer le reste et écraser le reste, quoi. Je suis pas certain qu'on puisse comparer le jeu de machine à sous à la balançoire. C'est vrai qu'il y a peut-être cette notion de transe qui va être commune aux deux. Mais la monétisation va quelque part change la donne quand même puissamment, quoi. Non, pour conclure et passer donc aux définitions de tactique et esthétique et morale, moi ma théorie, alors après ça vaut ce que ça vaut, et justement ça pourrait être intéressant de la mettre à l'épreuve de vos expériences, c'est une question d'attitude, une attitude ludique, compétitive, sportive. Et effectivement le jeu d'argent rentre dans une dynamique qui est à la fois ludique, compétitive, quand effectivement il y a ce caractère social, et sans doute de l'ordre de l'appât du gain. Alors j'ai pas le mot magique pour professionnel encore, on peut dire que dans le métier il y a quelque chose de la réalisation de soi, ce qui est questionnable selon les métiers, mais voilà, donc j'ai pas encore le mot pour définir ça, mais voilà, c'était juste pour préciser qu'il y a peut-être cette notion d'attitude qui est à prendre en compte. Mais revenons à notre sujet du jour avec justement la définition de tactique, esthétique et morale. Mais c'est pas mal que tu parles d'attitude, parce que je pense que ces notions d'atomes de jeu, elles vont vraiment être très liées à la posture que tu vas prendre pour y jouer, en fait, que nature, enfin, la pente dans laquelle tu vas devoir te glisser pour apprécier le jeu. Et donc jeu tactique, c'est un jeu qui va te mettre à l'épreuve, et en fait tu as un plaisir de progresser, de surmonter des obstacles. Je vais parler plus tard en détail du jeu tactique, donc je vais détailler. Ce que j'appelle le jeu moral, ou autrement dit jeu cathartique si on veut, quoi. C'est un jeu où en fait tu vas être amené à te positionner moralement, c'est-à-dire que tu vas être amené à faire des choix moraux. Des choix moraux ou avoir une expérience morale, parce qu'on va voir qu'on peut avoir du jeu moral sans notion de choix, notamment le fameux jeu où tu joues avec des petits trains là, et qu'à la fin tu découvres que le dernier train il va à Auschwitz. Alors d'ailleurs c'est marrant, parce que à partir du moment où tu découvres ça, le jeu devient intrinsèquement moral alors qu'il n'était pas du tout au départ, mais du moment que tu as fait ça, le jeu s'arrête. Mais on a une notion de jeu moral avec vraiment une catharsis, avec une expérimentation morale, mais il n'y a aucune notion de choix, en fait. À partir du moment où l'atome moral apparaît, le jeu s'arrête, donc on n'a pas à choisir si on amène le train ou pas à Auschwitz. Enfin, Encore que, je sais pas, ça se trouve le jeu peut-être peut continuer, hein, c'est... mais alors du coup, t'imagines que s'il y a un joueur qui décide quand même d'aller le titre 1, ça va faire un petit peu, ça va faire grincer quelques dents, quoi. Et peut-être qu'il le fera justement pour faire grincer des dents. Et il y a le jeu esthétique, où, alors esthétique, c'est vrai que c'est quelque chose de large, mais ça va être dans l'idée... on va mettre l'accent à la fois sur la réception, c'est-à-dire recevoir en termes de sensations, en termes de notions de beau. Alors attention, hein, beau, ça peut être laid selon les personnes. Hein. Enfin, en grosso modo, on essaye d'être public de choses qui sont... voilà, qui vont éveiller notre curiosité, qui vont faire vibrer notre sens esthétique. Et en même temps, on est aussi en position d'émetteur. C'est-à-dire que nous-mêmes, on va produire de l'esthétique. Donc, après, il y a peut-être des jeux où ça marche que dans un sens, mais souvent, il y a une notion d'émission-réception. Et puis, bon, bah, le jeu social, c'est un jeu où, quelque part, le fait qu'il y ait des règles, qu'il y ait quelque chose de ludique, est un prétexte, en fait, pour passer un bon moment avec d'autres personnes, et notamment la notion, je pense, d'approfondir les liens qu'on a avec ces personnes, de partager quelque chose avec elles, et de les connaître davantage. Alors, si vous voulez bien, je vais enchaîner sur le tactique. Donc j'avais dit grosso modo, hein, c'était le plaisir, le plaisir de progresser, surmonter des épreuves, souvent de difficultés croissantes. Alors ça va faire appel à différents sens, le sens de la stratégie, le sens du combat, l'adresse, la capacité à mener une enquête, à investiguer, l'acuité, la capacité de bluff, éventuellement le talent. Alors la notion de mettre à l'épreuve le talent, c'est déjà on arrive sur quelque chose où on voit qu'il y a souvent plusieurs atomes. On prend un jeu comme DDR, Dance Dance Revolution, c'est un jeu vidéo où on est obligé de danser sur un tapis. Tu vas dire, bah, finalement, on est dans un jeu esthétique parce que les personnes dansent. Mais quand même, ce qui est récompensé, c'est le fait de réussir des figures imposées, qui sont de plus en plus difficiles. Donc en fait, on est vraiment dans une progression en termes de compétences. En fait. Et quelque part, si on voulait être dans un pur jeu esthétique, il faudrait, je pense qu'il faudrait retirer cette récompense liée à la progression. Soit avoir aucune récompense, avec juste une récompense intrinsèque, le fait de danser et la récompense. Ou avoir des récompenses qui soient différentes, quoi. Mais après, du coup, on verra que l'esthétique, le jeu esthétique, il flirte souvent avec la notion de play, quoi. Ouais, moins de game, plus de play, quoi. Quand on fait de la danse de salon, sans règles du jeu, autre que les principes de la danse, est-ce que c'est encore un jeu ? Moi, j'ai tendance à penser que c'est possible que oui. Oui, il y avait donc en jeu tactique, il y a trois notions, je trouve, qui s'opposent. C'est la notion de player skill. En fait, c'est un jeu qui va surtout mettre à l'épreuve tes capacités de déduction. Exemple, un point and click où tu vas, c'est vraiment ton intelligence que tu vas mettre à l'épreuve, ton sens de l'observation. Dans les jeux de rôle old school, le maître de jeu, il va te décrire une pièce et c'est à toi de deviner. Oh là, vu ce qu'il m'a décrit, cette porte là, elle est sans doute piégée, donc je vais aller vérifier s'il n'y a pas une aiguille empoisonnée dans la serrure, tout ça, ceci, cela. Il m'a dit que le plafond était bas, c'est quand même bizarre, c'est pas net. Il y a ce mur là qui est friable, ça veut dire qu'il y a sans doute un passage secret, mais grosso modo c'est quand même ton intelligence de joueur que tu mets à l'épreuve principalement. Et la notion de build, où en fait surtout c'est ta capacité à monter un personnage, c'est-à-dire par exemple dans un jeu comme Donjons & Dragons 3.5 et Pathfinder, ce qui est important c'est de savoir bien gérer ta création de personnage et tes points d'expérience pour acheter faire des combos de dons qui vont bien, tout ça. Quelque part dans le deck building, on a aussi cette notion de build, et en fait ton efficience elle va être dans ta capacité à monopoliser les ressources du jeu, quoi. Question con, est-ce que le jeu des 7 familles, ça fait partie du build des skills? Ouais, je sais pas, ou alors c'est vraiment le degré 0 du build, quoi. C'est peut-être une, je sais pas. Dans l'idée du build, il y a quelque chose d'un peu préparatoire. On fait des choix dans les éléments qu'on va prendre. mais tu fais des choix dans un catalogue, en fait. Ce qui n'est pas vraiment le cas dans les 7 familles, parce qu'en gros, tu appelles des valeurs qui sont chez les autres joueurs sans savoir s'ils les ont. Donc, ce n'est pas un choix dans un catalogue à proprement parler. C'est une tentative de deviner ce que les autres possèdent pour essayer de récupérer. De ce point de vue-là, c'est moins pertinent. Le plus proche pour moi, enfin, le plus proche, un truc qui peut parler à beaucoup de gens, ça va être un World of Warcraft, par exemple, où effectivement, on choisit certains talents et pas certains autres, parce que certains talents, ils fonctionnent mieux, ils sont plus efficaces. La preuve en est que au fur et à mesure de l'évolution du jeu, il y a des modifications de talents, des patchs qui essayent tout le temps de rééquilibrer le jeu, parce que il y a des talents qui sont plus pétés que les autres, quoi, tout simplement. Et en fait, je crois que non, justement, parce qu'il y a un troisième niveau qui est le character building, le character skill. Juste pour revenir sur le jeu des 7 familles, en fait, je pense que plus que du build, s'il y a un mélange de build et de gamble, en fait. C'est-à-dire que tu dois essayer de deviner ce qu'il y a dans la main des autres pour t'en sortir, quoi. Comme Magic, hein, qui est un mélange de build et de gamble, quoi. Et donc, il y a, juste pour finir sur le character skill, et ce qui est marrant, c'est que, par exemple, il y a des joueurs expérimentés de Pathfinder, quand ils arrivent sur des nouvelles tables, et ben en fait, ils vont créer des personnages qui sont 4 fois plus puissants que le reste de la table, à eux-mêmes, quoi, et finalement, ça va tuer leur plaisir de jeu. Donc, ce qui est important, on est toujours dans la notion de flow, hein, notamment, c'est que pour que le jeu tactique existe, il faut que tu aies à la fois une adversité qui soit à ton niveau. Enfin, même le principe de flow, faut qu'elle soit juste un petit peu plus difficile que ce que tu peux faire, quoi. Il y a vraiment une notion de difficulté limite, et il faut, je pense aussi qu'il faut que tes équipiers soient à ton niveau, quoi. Et de même qu'un match de foot, en fait, si tu joues contre une équipe qui est clairement beaucoup plus mauvaise que toi, bah en fait, ton plaisir de jeu tactique, il va disparaître, quoi. Il y a cette notion de compétition quand même qui est importante. Et le character skill. Alors, tactiquement, c'est pas forcément là. Je pense que c'est un choix assez faible en termes de game design. Le character skill, c'est quand en fait ton personnage est efficient, même si toi tu mets pas en œuvre tes pouvoirs de déduction et que tu sais pas monter un personnage, quoi. On voit, il y avait pas mal de jeux sur la PS3 où c'était ça. En fait, t'avais vraiment une combinaison de boutons assez simple et tu voyais que ton personnage, il faisait tout, en combat, il faisait tout un tas de figures et il envoyait valser plein d'adversaires. Mais honnêtement, t'avais la partie feedback. En fait, l'input, c'était presque un jeu machine à sous, quoi. L'input était vraiment limité et le feedback, il était énorme, quoi. T'appuies sur un bouton, il y a 15 adversaires qui valsent, ton personnage, il fait 10 000 combos. Oui, pour illustrer, je vois parfaitement les jeux auxquels tu fais référence, par exemple les Assassin's Creed ou les ce qu'on appelle le free flow, je crois, pour les types de combats où en fait, genre quand l'ennemi présente un comportement bien précis, on sait qu'on peut faire un contre qui va le tuer ou mettre KO tout de suite. Mais justement, ce caractère skill me semble directement relié au build skill, puisque en fait, par exemple, je commence avec un mage, par exemple, dans un jeu de cartes, par exemple, je vais faire un jeu de cartes, une main de mage. Donc au final, il y a les deux. En fait, pas tout à fait, parce que ce dont parlait Thomas, c'est par exemple ce qu'on peut rapprocher des QTE, des Quick Time Event en jeu vidéo. Et là, t'as pas de build. T'as fondamentalement, tu construis pas ton personnage. Par contre, le personnage, il est fort et tu cliques une fois de temps en temps. Mais effectivement, ça devient très vite plus très très tactique comme jeu. Finalement, ce qui est intéressant, c'est de parler d'autre chose dans ce genre de cadre. Non, mais effectivement, enfin, le free flow dans lequel je fais référence, en fait, est un QTE caché, hein. C'est une version moderne du QTE aux hardcore gamers, entre guillemets, qui permet de, parce que les hardcore gamers seront déterminer les patterns où, ah bah tiens, le personnage propose tel composant, c'est-à-dire que je peux faire ça et la battre très facilement. Donc, c'est un QTE caché, si tu préfères. Mais non, vraiment, dans le caractère skill, ce que je veux dire, c'est voilà, tu commences avec, je sais pas moi, un guerrier, bah, il va avoir telle aptitude qui va faire qu'après, bah, tiens, si je rajoute tel pouvoir plus tel pouvoir, va permettre de... Finalement, c'est du build. Bah, de toute façon, là encore, on est dans des atomes, hein. C'est-à-dire que ça se combine. Hein. Le cas que tu présentes, je pense, à mon avis, il y a un petit peu de build et puis un petit peu de character skill, tout simplement. Mais quand on est vraiment dans le character skill dominant, en fait, on quitte le jeu tactique et on entre dans le domaine du jeu esthétique. Et quelque part, quand on est des jeux sur, comme même Candy Crush, on parlait de Candy Crush, c'est important dans ce type de jeu aussi, tu as cette notion de sur-félicitation. C'est-à-dire que dès que tu fais un coup, t'as une cinématique de ouf avec des explosions partout. Ouais, c'est génial. T'es trop fort, méga combo, super combo. Et puis tu sais, le jeu continue à jouer tout seul. C'est à dire que tu sais, tu fais péter une ligne, après il y a 15 000 autres lignes qui se pètent, mais clairement ça n'a rien à voir avec ce que t'as fait. Et là, quelque part, du coup, on se dit, bah, est-ce qu'on est encore dans du jeu tactique ou est-ce qu'on est pas un pur jeu esthétique qui vise dans de plonger dans une espèce de transe et dans une espèce de. Bah, on arrive sur un jeu de vertige, quoi. Et donc voilà, c'est toujours, on est. C'est ça qui est important, c'est que dès qu'on modifie un paramètre, on va modifier complètement la dominance qui est en cours, quoi. Donc voilà. Donc je vais un petit peu sur l'esthétique dans le tactique. Il y avait notamment un exemple qui me parlait bien, c'est le jeu vidéo Serious Sam. Donc Serious Sam, c'est un jeu qui se passe dans une espèce d'Égypte antique, mais avec plein de monstres robots, tout ça. Et c'est un FPS où il faut désinguer un maximum de monstres dans ce décor d'Égypte antique. Et je sais que j'ai commencé à y jouer pour un plaisir tactique, et en fait, comme je suis pas un très bon, je suis pas vraiment un gamer de fou, quoi. Très rapidement, j'étais dépassé par la difficulté, donc j'étais dans l'incapacité de progresser dans le jeu. Et du coup, mais j'avais quand même un plaisir à jouer, notamment qui était vraiment esthétique, parce que les décors comme les monstres, c'était vraiment sympa, il y avait une ambiance que j'aimais beaucoup, quoi. Et d'ailleurs, le jeu joue là-dessus, il y a des moments vraiment contemplatifs dans Serious Sam, il y a des moments où il n'y a aucun monstre, et tu peux t'arrêter, et tu tournes autour de toi, tu regardes tout le spectacle, et des effets de lumière, tout ça, il y a plein de statues, il y a des fresques, c'est vraiment étudié pour, je trouve. Et du coup, à un moment dans Serious Sam, j'ai utilisé le cheat code, c'est-à-dire que j'avais vie infinie, d'ailleurs, ça, il y avait le mode touriste, alors il y a beaucoup moins de monstres, et j'avais mis les vies infinies, munitions infinies, en plus j'avais tout le matériel disponible, y compris le canon napoléonien, donc j'avais vraiment une arme de destruction massive, et j'avais mis le mode où on pouvait voler, quoi. Donc on pouvait. Alors là, à ce moment-là, tu pètes complètement le jeu. Hein. C'est clair que là. Et du coup, c'était la façon qui m'avait permis d'arriver jusqu'à la fin du jeu pour pouvoir contempler en fait tout ce qu'il y avait à contempler tous les niveaux. Mais j'étais clairement sorti du jeu tactique en utilisant ces cheat codes, quoi. Mais des fois, je pense que c'est important quand même que cette esthétique se présente au départ. C'est ce qui va des fois te faire persévérer dans le jeu. Quand à un moment, en termes de performance, au niveau tactique, tu progresses pas, tu vas rester un temps dans le jeu grâce à l'esthétique jusqu'à ce que tu finisses par progresser suffisamment pour débloquer le niveau suivant. Donc là, on a quand même une esthétique qui est au service du tactique. Bon, les cheat codes, c'est clairement pas le mode par défaut du jeu, quoi. On parlait du talent tout à l'heure, toujours de l'esthétique dans le tactique. Il y a la notion de compétition d'esthétique, en fait. Par exemple, dans le jeu de rôle Monostatos, où on joue des héros vengeurs qui vont défoncer un dieu tyrannique, quand il y a une confrontation, il faut accumuler un maximum de dés. Pour accumuler un maximum de dés, en fait, il faut enchaîner des descriptions selon différents critères. Il faut que tu décrives qu'il y a des amis qui viennent t'aider. Tu peux décrire ce que les griefs que tu as contre le dieu, et ainsi de suite. Enfin, il y a divers façons de décrire. Mais grosso modo, en fait, tu te retrouves à faire de l'esthétique pour gagner des dés, pour vaincre une adversité. Et donc là, on a en fait une esthétique qui est instrumentalisée au service du tactique. Et là où c'est vraiment flagrant aussi, c'est dans le jeu « Il était une fois ». Il était une fois, tu crois que tu viens jouer pour raconter des histoires à partir de tirages de cartes. Mais en fait, au final, c'est pas du tout ça. Si tu joues vraiment pour la gagne, déjà tu vas balancer, en fait, dès que t'as la parole, tu vas balancer un maximum d'items. Oui, alors c'est une princesse qui rencontre un crapaud, et puis ils montent à cheval, et puis ils vont au château. En fait, il n'y a pas d'histoire, c'est juste que tu as balancé tous tes items d'un coup, quoi. Tu as joué pour la gagne. Les règles du jeu disent aussi que c'est un combat pour la prise de parole. Pour reprendre la parole, il faut que tu reprennes tes adversaires sur la cohérence de leur récit. Tu vas les questionner. Oui, en fait, redis-moi la couleur du chat au début de la partie. Ben, il était vert. Ah non, tu as dit qu'il était rouge. Incohérence, tac, redonne-moi la parole. Et en fait, généralement, ce qui se passe, c'est qu'au final, là, on arrive presque à une esthétique, à un prétexte pour faire venir les gens à table, et en fait au bout d'un moment t'es siphonné dans le jeu tactique et l'histoire elle est celle parent pauvre hein, de Il était une fois. Et du coup c'est à tel point qu'ils ont introduit une clause de fair play dans Il était une fois, notamment une clause de fair play qui dit que t'es pas censé quand t'as la parole, t'es pas censé balancer tes items en mode mitraillette. T'es censé marquer d'abord ok, tu vas faire intervenir la princesse, tu vas raconter un peu d'histoire, et puis seulement après tu vas faire intervenir ton crapaud quoi. Tu vas pas tous les enchaîner comme ça. C'est un peu un aveu d'échec du game designer quand même, quand on est obligé de dire aux gens allez soyez cool, ça veut bien dire que le jeu il est pas capable de produire en lui-même, en dehors de cette, en dehors de la bonne volonté des joueurs, il est pas capable de produire ce que les créateurs du jeu avaient comme intention originelle. Bah, je pense que le fair play, c'est un peu noté, c'est un peu avec la notion de beau jeu, tu vois, de fair game. Et du coup, c'est pour moi, c'est une notion de jeu esthétique. Et c'est vrai que quand t'es, en fait, clairement, c'est cette clause de fair play dans Il était une fois, c'est quelque part un aveu des game designers qui fait, ouais, ok, en fait, on voulait faire un jeu esthétique, mais on a fait des règles tactiques. Alors bon, bah, on va réintroduire une clause de fair play pour quand même que ce soit, que ce soit esthétique un petit peu. Et c'est vrai que par exemple si on prend un match de football et que tu joues je rappelle une compétition de football entre diverses équipes de village quoi, et en fait il y avait une équipe féminine qui avait perdu tous ses matchs et il avait décerné le prix du fair play. Alors déjà le principe de faire combattre, faire des matchs de foot filles contre hommes, c'était assez marrant, mais il y avait le problème de que si tu veux quand tu un match de foot si tu dois affronter une équipe qui est clairement moins bonne que toi finalement tu perds ton plaisir tactique au bout d'un moment quoi. Le jeu tactique disparaît, on est dans le pur fair play quoi. Et surtout si à un moment tu fais exprès de laisser échapper la balle à l'équipe adverse pour qu'il joue un petit peu, le jeu tactique disparaît en effet. Oui, alors je vous trouve assez dur sur le fair play globalement, mais je effectivement ce que vous dites est assez construit mine de rien. Toutefois, je vois ça plus comme un guide pour les joueurs. C'est-à-dire que au football, on va inviter les gens à faire des passes. Quand j'étais petit, que je jouais au football à la cour de récréation, il n'y avait rien de plus énervant que celui qui fait du foot tous les dimanches et qui va direct au but, qui marque des buts et puis hop, c'est reparti. Et finalement, t'as pas la passe. Donc effectivement, je vois ça plus comme une intention des game designers de dire voilà le guide de bonne conduite. C'est pas une règle à proprement parler, mais c'est plus un esprit, une philosophie qu'il faut adopter dans le cadre de ce jeu. Après, si t'as envie d'être un égoïste et de défoncer tous tes adversaires, dans la vie, c'est ton problème. Et pas dans le jeu. Ouais, c'est un peu la limite qu'on trouve dans un certain nombre de news games aussi, où en fait, effectivement, si tu viens pour t'informer sur le fait d'actualité qui est traité dans le news game, ça marche bien. Si tu viens pour jouer la gagne, tu pètes le jeu très très vite. Et effectivement, c'est, je crois, la complexité de jeux à propos ou de jeux qui ont pas, qui, en gros, qui mettent en place des outils tactiques pour faire un jeu qui ne se veut pas tactique. C'est ce que disait Thomas à propos de Il était une fois. C'est hyper dangereux. Enfin, c'est hyper casse-gueule de dire je mets en place des outils tactiques. Mais c'est pas un jeu qui est trop fait pour faire de la tactique. Ce serait comme proposer un FPS avec plein de gros canons de fusil en disant par contre essayez de pas trop vous tirer dessus les gars. Ce qui est intéressant, c'est un vrai défi. Hein. Mais je pense que les joueurs sont légitimes à dire t'es gentil, mais tu nous donnes tous les outils pour et après tu nous dis de pas le faire. C'est quand même très très malhonnête de ta part. Tu vois. Oui, pour conclure et passer à la suite, en fait c'est déjà fait, le truc des gros canons, ça, notamment c'est le jeu Deus Ex a pas mal apporté ça avec nos kills, essayer de finir le jeu en tuant personne alors qu'on a effectivement des bazookas et tout ça. Il y a plein d'autres jeux qui proposent ça et c'est une sorte effectivement ce qu'on a appelé ça de geste noble de faire pas de faire play mais de faire game, je crois que tu appelais ça, mais voilà, il y a donc si ça existe et en fait c'est juste une sorte de ce que avant j'appelais le méta-jeu, mais c'était une erreur, c'est une sorte de condition que va s'imposer le joueur pour améliorer, peut-être se donner du challenge aussi et améliorer son expérience. En fait, là, on touche à la notion aussi de pratique émergente. C'est-à-dire qu'il y a les règles du jeu, et il y a ce qu'en font les joueurs. Et généralement, la pratique émergente, c'est justement modifier les atomes du jeu, en fait, décaler le jeu en fait, d'une typologie vers une autre, quoi. Pour finir sur les jeux tactiques, j'avais identifié en fait des différents besoins qui étaient nécessaires pour un jeu tactique entre guillemets un tactique dominant quoi. Pour moi, dans un jeu tactique, les besoins du joueur c'est l'agentivité, player agency, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait un moyen de pression, un moyen d'action sur le jeu. Et si ces moyens d'action sont restreints, il faut que ce soit fertile en termes de jeu. Bah, par exemple, dans Serious Sam, je prends l'exemple, c'est vrai que normalement dans un jeu de base, tu peux pas voler dans Serious Sam, tes munitions sont pas illimitées, donc il est clair que ça réduit ton pouvoir d'action. Mais c'est pour un plaisir tactique augmenté, quoi. Mais ça veut dire quand même que quand on diminue le pouvoir d'action du joueur, il faut à tout prix que ce soit fertile. Ce que j'appelle les temps méta, c'est-à-dire les temps où on joue pas, mais on cogite sur le jeu. Les temps méta en jeu tactique, c'est la réflexion tactique. Je réfléchir, attends, d'après les éléments, est-ce que c'est bien un colonel moutarde avec le chandelier dans le séjour, les fameux jeux d'enquête ou les jeux de rôle où en fait pendant 3 heures on va faire le plan. Tu vois, avant de jouer, quoi. Ou on va jouer un combat, et en fait, grosso modo, si tu veux vraiment les actions, dire bah ok, je fais telle action, je jette tel dé, j'ai tel résultat, il y a telle conséquence, ça a représenté 10% du temps de jeu. Et en fait, 90% du temps de jeu, par exemple, c'est très valable à Shadowrun, c'est les joueurs qui choisissent leur option tactique. Attends, est-ce que je devrais plutôt utiliser ça avant? Non, mais toi, agis en premier, non, plutôt toi, et ainsi de suite. Ou les jeux type Counter-Strike, c'est le temps qui est passé au micro à se coordonner. C'est ce que j'appelle le temps méta, et le temps méta tactique il est de ce type là. La gestion du temps, comment on gère le temps dans un jeu tactique, pour moi on est sur une multiplication des missions, notamment un jeu de rôle tactique, c'est à dire que tu as de plus en plus de missions à faire en même temps, et du coup à un moment tu vas être obligé de prioriser. Avec aussi multiplication de l'adversité, c'est-à-dire que des adversaires de plus en plus fréquents, nombreux, puissants. On dirait que cette notion de la gestion du temps, c'est une gestion de priorité. Les conditions de victoire, bah, c'est remporter un défi qui a été balisé, qui est clairement annoncé comme bah, le défi c'est ça, et augmenter son contrôle sur le monde. Alors ça, en fait, c'est surtout en jeu de rôle qu'on voit, c'est une pratique tactique émergente, c'est-à-dire que il y a des défis qui sont balisés, des missions, mais il y a aussi le joueur qui va expérimenter, par exemple dire un joueur qui va arriver, moi mon objectif c'est de monter ma baronnie, quoi. Je pars de rien et je veux me créer un fief. Si tu veux, le joueur, il arrive avec un objectif. En fait, il a ce défi personnel d'augmenter son contrôle sur le monde. C'est une autre facette du jeu tactique. Soit on accomplit une mission qui est donnée, on accomplit un défi qui est proposé par le jeu. On vient avec son propre défi. Quelque part, le Guinness des records, c'est un peu ça, quoi. C'est des personnes qui se choisissent un défi et qui se donnent les moyens d'y parvenir, quoi. Et de la conservation du personnage ou du pion comme enjeu, en fait, il doit y avoir un intérêt à perdre son personnage que si ça apporte une récompense tactique. C'est le principe des die and retry, notamment. Il me semble qu'il y a un jeu vidéo, je peux me tromper, mais où c'est même carrément c'est poussé à l'extrême, où en fait il y a un moment tu dois franchir un obstacle et il faut le faire en montant sur les cadavres de tes anciens toi qui sont morts dans le jeu. J'avoue que j'ai plus le nom du jeu vidéo en tête. Ma culture vidéoludique est un peu faible. Voilà, où il y a l'idée aussi de ok, je suis d'accord que mon personnage meurt, mais ce qui est important, c'est que je retire une expérience, c'est-à-dire que je puisse capitaliser sur l'expérience du personnage mort, soit récupérer ses XP carrément en termes de, ou soit tout simplement par exemple dans l'appel de Cthulhu, le principe le principe d'affiliation dans certaines campagnes, c'est-à-dire que ton personnage est mort mais il a tenu un journal de bord qui est récupéré par le nouveau personnage qui va pouvoir utiliser l'expérience de l'ancien personnage, changer des paramètres. Ok, j'avais fait un personnage rat de bibliothèque, il est mort parce qu'il avait pas, il était clairement pas taillé pour le truc, là nouveau personnage, je vais faire plutôt un homme d'action, il va récupérer toutes les infos que le un personnage a eu, mais là je paramètre différemment et je vais voir comment, et voilà. Donc je vais enchaîner sur le jeu moral. Alors la première question que je me suis posée, c'était, on a parlé un peu du jeu Trains, et j'avais vraiment une question, c'était de me dire, est-ce qu'il y a des jeux de plateau qui sont moraux ? Et la première réponse que j'ai trouvée, c'était Monopoly. Alors Monopoly, c'est très ambigu. Parce qu'au départ, le Monopoly, c'est un hack d'un autre jeu de société plus ancien qui a été créé par une économiste qui en fait avait un message qui voulait dénoncer les monopoles. De toute façon, c'est à l'époque de la crise de 29, tout ça, les trusts, ça posait des problèmes sociaux et économiques. Et en fait, le but de Monopoly au départ, c'est de dénoncer les monopoles. Ce qui est très marrant, c'est que l'ingénieur au chômage qui a en fait popularisé le jeu, en le repimpant un petit peu, quoi. Eh bien, je pense que sa motivation, c'était juste faire un jeu rigolo, quoi. Le message est sous-jacent, en fait, même si... et ce qui est marrant, c'est que souvent, des fois, il y a des gens qui vont interpréter Monopoly comme étant un jeu capitaliste, en fait, qui te vend l'idée que, pour réussir, il faut marcher sur la gueule des autres. Et du coup, finalement, alors c'est très marrant parce que autant la personne qui a écrit la première version de Monopoly, elle a renoncé à ses droits sur le jeu parce que ce qui l'intéressait, c'était que son message soit véhiculé et qu'il s'en vende le plus possible. Donc elle a pas touché un centime là-dessus. Et en fait, et c'est là qu'on a la notion de relativisme moral, c'est qu'en fait, le Monopoly, il ne dit pas si c'est bien ou mal de s'engraisser sur le dos des autres. C'est aux joueurs de tirer leurs conclusions. Effectivement, il montre la pente du jeu, il montre qu'effectivement, c'est la gagne. C'est clairement, si tu veux gagner Monopoly, c'est comme ça qu'ils font se comporter. Mais quelque part, il y a une sorte de jeu moral émergent qui est se poser la question de est-ce que moralement, c'est valable. D'ailleurs, souvent, on voit quand même dans Monopoly, c'est quand même un jeu où il y a une... C'est quand même un jeu où tu perds tes amis, quoi. On est d'accord. Et il y a cette notion, en fait, aussi de on retrouve la notion qu'on a en GN de pervasivité, d'effet bleed. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe dans le jeu va te questionner moralement, éthiquement. Et en fait, du coup, il y a une invasion, en fait, du jeu dans ta vie privée, quoi. Et du coup, il y a des débats qui vont naître de parties de Monopoly. Alors, si tu fais une partie de Trains, forcément, tu vas débattre à la fin en disant « Ouais, le rôle des gens de la SNCF dans l'Holocauste. » autre jeu société morale, je pense, c'est le jeu Feelings de Vincent Bidot et Jean-Louis Roubira, le mec qui a fait Dixit. Feelings, en fait... on te présente des situations, par exemple, souvent vraiment des situations qui sont moralement très connotées. Par exemple, tu es dans la rue, tu vois, il y a un enfant qui réclame une sucette à sa mère et la mère lui file une claque. Et on te file des cartes émotions, genre il y a j'ai peur, je suis content, je suis curieux, je suis angoissé, enfin il y a tout un tas d'émotions. Tu choisis face cachée en fait une de ces cartes pour dire en fait quelle est l'émotion que tu as face à la situation. Et t'as un joueur en face de toi qui va aussi faire un choix, et il y a un côté gamble où en fait tu dois essayer de deviner quelle émotion la personne en face de toi aurait plutôt ressenti. Et en fait, quelque part, l'idée, c'est d'amener des débats en fait sur la situation, quoi. Et après, je pense qu'il y a aussi un côté social parce que c'est un jeu sur l'empathie. Donc c'est un jeu où tu vas un peu plus connaître les autres parce que forcément, quand j'ai vu la nana qui tapait son gamin, j'étais plutôt content parce que je trouvais qu'il l'avait bien cherché. Et toi, tu t'as dit que t'étais effrayé. Comment ça se fait qu'on pense une chose différente, ainsi de suite, quoi. Dans les jeux vidéo, moi je pensais à un jeu comme Walking Dead, où clairement il me semble que le jeu t'invite à te positionner moralement, quoi. Je sais plus avec quel jeu vidéo tu dois créer plusieurs personnages et les faire vivre, et à un moment tu dois dire lequel tu préfères, et c'est typiquement ce personnage là qui va arriver une merde. Je crois que j'ai entendu dans le lycée, je sais pas dans l'idéologie que j'ai entendu ça. Mais il me semble qu'il y a pas mal de jeux vidéo où il y a cette notion où, en fait, à un moment, tu vas devoir annoncer une préférence pour telle ou telle figurant du jeu. effectivement, le jeu Walking Dead, donc celui développé par Telltale, faut quand même aussi se le préciser parce qu'il y a plusieurs jeux Walking Dead. Effectivement, il y a cette tendance-là. Il y a notamment moi une scène qui m'a pas mal marqué. Où en fait on doit juger ou non si quelqu'un nous a trahi et donc soit le garder dans le groupe de survivants, soit le lâcher en pleine nature au péril de sa vie du coup. Et effectivement c'est pas mal basé sur ce genre de choix, sur tiens je dois décider est-ce qu'il est coupable ou non, à tort ou à raison, parce qu'on a forcément qu'une partie des informations et on apprend bien plus tard si on avait raison ou non, enfin si notre jugement était le bon. Mais oui, effectivement, il y a ce choix. Il y a quelque chose, effectivement, tu parles de relativisme moral dans le Monopoly, et tu dis, bah, finalement, le Monopoly ne se prononce pas. Mine de rien, il propose un perdant et un gagnant, et donc sous-entend une manière de jouer. Là, par exemple, on a pris le Monopoly, mais on pourrait très bien aussi voir, par exemple, ça dans les Sims, où il n'y a pas l'air d'avoir de propos moraux comme ça dans les Sims, et pourtant ça préfigure que les besoins des hommes sont quantifiables. Je suis pas certain, alors ça fait longtemps que j'ai pas lu de règles de Monopoly, hein, mais je suis pas certain qu'il y ait de conditions de fin de partie et de victoire indiquées dans les règles. Alors effectivement, peut-être quand il n'y a plus d'argent dans la banque, j'ai pas souvenir que dans les règles on dise la partie s'arrête. Et c'est toujours très compliqué d'arrêter une partie de Monopoly parce que c'est difficile de savoir quand est-ce qu'on s'arrête. Il y a quand même plein d'exemples de parties où les joueurs disent à un moment je te prête de l'argent, ou des joueurs qui contractent des dettes immatérielles, ou de l'argent qui est perdu dans la boîte. Et du coup, si c'est le fait qu'il n'y a plus d'argent dans la boîte, ça veut dire que le jeu est pas vraiment finissable ou incomplet. C'est très compliqué et je pour le coup, c'est une façon de ne pas se prononcer. C'est-à-dire que quand on est arrivé au bout du matériel, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans le jeu. Et dans l'absolu, une partie de Monopoly qui fonctionne bien, c'est une partie où on aurait à peu près tous le même volume de bâtiments, en tout cas de revenus potentiels à chaque tour, qui fait que le jeu il tourne tout seul, presque sans les joueurs, où les pions tournent et où l'argent passe d'une main à l'autre. Et pour le coup, ça soutient le propos originel du jeu, où il y a l'argent qui circule, finalement on circule en circuit fermé, il n'y a pas besoin de toujours plus d'argent, parce qu'il n'y a pas toujours un joueur qui est en train de pomper toutes les ressources pendant que les autres les prennent. Sur les jeux moraux, pour y revenir, on a aussi alors un jeu qui est profondément moral pour rester dans les jeux vidéo, c'est Paper Please, dont on ne peut pas dire que ce soit un jeu qui travaille sur son esthétique, où la tactique est quand même un truc assez restreint, hein, puisque c'est un jeu où c'est un jeu des 7 différences, en gros, hein, c'est ça la racine ludique derrière. Par contre, c'est effectivement profondément un jeu moral. En ce moment, je suis en train de jouer à Paper Please, oui, pardon. Paper Please, c'est un jeu où on joue en garde frontière et on doit choisir si on laisse les gens passer ou pas à la frontière avec un contexte autour, un contexte de récit qui amène petit à petit à comprendre qu'on vit dans un pays, qu'on est le garde frontière d'un pays qui n'est pas tout à fait démocratique et que les gens qu'on laisse ou pas rentrer, on le fait sur des critères qui sont de plus en plus arbitraires. Si ça vous rappelle des actualités récentes, c'est normal. En ce moment, je suis en train de jouer, disais-je, du coup, un jeu qu'on a déjà évoqué, hein, dans l'udologie, qui est This War of Mine, qui est un jeu qui, pour le coup, travaille la question des civils en temps de guerre, notamment en temps de siège, et pareil, la question morale se pose de, bon, là-bas, il y a des gens, ils ont plein de ressources, est-ce qu'on va leur voler ou pas ? Si on leur vole des ressources, on s'en sortira mieux, mais... Et tactiquement, c'est la chose à faire, mais ça veut dire que ces personnages, qui ne sont pas pourtant d'autres joueurs, hein, ces personnages, eux, à un moment ou un autre, ça ne va pas le faire pour eux, et potentiellement, ça peut te revenir te mordre un peu les fesses en plus, ça peut revenir te mordre un petit peu les fesses narrativement plus tard dans la partie. En jeu vidéo, c'est quelque chose qui se travaille de plus en plus, je crois qu'en jeu de société, effectivement, c'est encore compliqué. Ouais, tu parlais aussi, il y a aussi Fractal, je pense qu'il y a une notion, je pense que dans le jeu moral, l'attrition est très importante, la gestion de ressources est très importante, et d'ailleurs des fois c'est trompeur, on se dit bah c'est un jeu tactique puisqu'on gère des ressources, mais en fait non, parce que c'est un jeu de gestion de ressources clairement qui est là pour amener un enjeu moral, avec notamment des rapports de domination. Je voulais revenir. Il y a cette notion aussi, la tension dans le jeu moral, elle est dans, effectivement, est-ce qu'on continue à jouer, est-ce qu'on supporte, en fait, est-ce qu'on supporte de jouer, ou est-ce qu'on arrête. Enfin, dans Trains, quand on découvre que une des destinations c'est Auschwitz, est-ce qu'on continue à jouer ou est-ce qu'on arrête. Dans Monopoly, effectivement, quand un joueur est à sec, ou tout simplement quand vraiment, parce qu'il y a vraiment une situation Monopoly où tu sais que tu seras toujours perdant, en fait, il y a une spirale perdante à un moment, est-ce que je continue à jouer alors que je sais que de toute façon je vais perdre. Et du coup, ça c'est vraiment une chose qui est au cœur du jeu moral. Je voulais revenir sur le rapport entre jeu tactique et jeu moral. C'est-à-dire que en général, dans le jeu moral, il y a deux façons. Soit au début le jeu est tactique, bah, c'est vraiment typique les ondes de Trains. Le jeu est tactique et à un moment en fait une problématique morale va arriver qui va en fait complètement invalider tout le jeu tactique qui s'est passé avant. En jeu de rôle traditionnel, c'est quelque chose qui arrive souvent. C'est-à-dire on arrive sur un scénario, on a une enquête, une mission, des combats, et puis en fait à un moment, à la fin du scénario, on va se retrouver à devoir arbitrer une situation où il y a deux PNJ qui sont, il faut avoir arbitrer entre deux personnages, savoir à qui donner tort, à qui donner raison. Et en fait, tout ce qu'on a pu faire d'enquête avant, ça a été complètement invalidé. C'était juste pour nous faire mariner avant le défi moral, quoi. Et il y a une autre façon en fait qui est de dire bah du coup puisque la tactique elle va se faire écraser au moment où le moral va arriver, bah, autant jamais la mettre. C'est par exemple l'optique qui est prise par Dogs in the Vineyard. Quand tu arrives dans le village, en fait tout le monde vient te dire les problèmes qu'il y a. T'as pas besoin d'enquêter pour savoir qu'il y a un tel couche avec un tel, qu'une telle est une sorcière. On te le dit tout de suite. Comme ça, on va pas tortiller, on va tout de suite entrer dans le jeu moral, quoi. Le truc après, c'est la notion, il y a souvent une notion de piège dans le jeu moral qui est de... Il y a certains jeux moraux en fait qui piègent les joueurs, qui se font passer pour des jeux tactiques pour amener une problématique morale en douceur. Parce que si je prends un jeu de rôle comme Lizzie Stark, je sais plus comment il s'appelle, c'est un jeu où on joue des femmes cancéreuses qui ont un cancer du sein. Honnêtement, tu annonces aux joueurs, bon, elles faisaient jouer des femmes qui ont un cancer du sein. Clairement, il y a des gros panneaux jeu moral, quoi, là, tout de suite, quoi. Ou alors, vraiment, à moins que ce soit un jeu esthétique, j'en sais rien. Et du coup, c'est possible que ça rebute des joueurs. Mais si tu fais jouer un personnage féminin et qu'on arrive en jeu, il faut le faire de façon subtile quand même, que le personnage ait à subir une maladie effectivement invalidante, mutilante, qui porte à l'identité, ça peut être le cancer du sein, mais ça peut être autre chose, hein, une ceinture de changement de sexe dans Donjons et Dragons ou ce qu'on veut. Et là, on a un jeu moral émergent et en fait, le jeu moral est souvent, comment, s'accommode bien de l'émergence et du piège, en fait. Il aime bien prendre en traître. Après, du coup, c'est le game designer de se poser la question, est-ce que j'annonce ces choses cash ou est-ce que je les apporte en sous-main, quoi. Avec le risque de les apporter en sous-main, c'est que le jeu en fait a une jouabilité très faible. Trains, bah, on va y jouer une fois. On s'est fait piéger une fois, on va pas se faire piéger deux fois. Alors, l'esthétique au service du jeu moral, je pense qu'elle est, elle est là dans plusieurs choses, en fait. L'esthétique, elle est là pour... ce qui est important dans le jeu moral, c'est que les joueurs s'attachent, fassent des liens avec les éléments de jeu. Et par exemple, dans Odyssée, le jeu où on refait l'Odyssée, c'est très important de faire régulièrement, de rappeler à quel point Ithaque est magnifique. Que c'est la plus belle île du monde, tout ça. Donc il y a vraiment une esthétique de l'éternel retour, de la nostalgie du pays natal qui est mise en place. Il y a des flashbacks qui se passent à Ithaque, tout ça, pour que les joueurs ils aient vraiment envie d'y aller et que du coup ils soient prêts à affronter en fait tous les dilemmes moraux qu'ils auront sur la route, puisque Odyssée est un jeu moral. Il y a aussi une notion que j'appelle compétition compassionnelle. Par exemple, si on prend S'échapper des faubourgs, c'est un jeu que j'ai fait, où on doit s'échapper d'un cauchemar et en fait il n'y a qu'une seule personne qui pourra s'en échapper au final. Et clairement, au début on est sur un jeu tactique puisque c'est une sorte de battle royale, mais en fait il y a vraiment une compétition compassionnelle qu'on va retrouver aussi un peu dans un jeu comme Perdu sous la pluie de Vivien Féasson. C'est des enfants qui doivent survivre aux monstres de la pluie et finalement il n'y en a qu'un seul qui va survivre. Et en fait il y a une compétition compassionnelle dans le sens où généralement celui qui survit, c'est celui que les autres auront jugé le plus digne de survivre. Et donc là, on est dans une esthétique en fait du pathos qui est au service du jeu moral. C'est-à-dire que si je veux gagner, il faut que j'explique que ma situation, c'est ma situation la plus pitoyable et c'est moi qui mérite de vivre. Avec aussi des fois des joueurs qui vont faire le choix de se sacrifier parce que moralement, ils vont être touchés, quoi. Ils vont faire le choix de se sacrifier pour qu'un tel survive parce qu'ils estiment que son personnage est plus digne que le leur de survivre. C'est un peu comme quand on joue à Fiasco, le jeu de rôle de Jason Morningstar, où effectivement, généralement, c'est vraiment le personnage parmi les différents personnages des joueurs qui a enchaîné le plus de merde possible pendant toute la partie, dont on a envie qu'ils s'en sortent bien à la fin. Ceux qui ont plutôt bien réussi ou qui s'en tiraient toujours un peu avec une pirouette, c'est sûr que c'est effectivement, naturellement, ceux-là qu'on a plus envie de voir échouer, si tant est qu'on puisse parler d'échouer, puisque pour le coup, on est aussi dans une caractérisation esthétique où l'idée d'une fin noire, on va dire, pour un personnage n'est pas nécessairement vécue comme un échec. Bah en fait, là, on flirte à la limite. La compétition, ce que j'appelle la compétition compassionnelle, c'est vraiment un truc qui est à la limite entre l'esthétique et le moral. Et c'est presque partie par partie qu'il faut analyser, savoir si ça a fait pencher le jeu d'un côté ou de l'autre. Et notamment, des fois, il y a de la il y a plutôt l'inverse, une espèce de politesse compassionnelle qui fait que tout le monde essaye d'être plus méchant que les autres et en fait tout le monde dit non mais c'est toi qui vas survivre parce que tu mérites mieux que moi, tout le monde se veut des politesses et là en fait on est dans un jeu, on est dans un jeu esthétique qui a plus de dimension morale. Ce qui est important dans les jeux moraux aussi, c'est la notion de sacrifice, c'est-à-dire qu'il est important que le joueur se lie affectivement à des éléments du jeu et que petit 2, le jeu lui propose de devoir les sacrifier pour obtenir autre chose. Et donc, tout va résider dans ce qu'on appelle le dilemme moral, dans ce choix. Dans le choix mortel, en fait, de devoir ne pas pouvoir tout sauver, quoi. Batman, il va sauver sa nana, soit il va sauver le juge intègre. Mais clairement, dans un jeu moral, il pourra pas sauver les deux, c'est impossible. Il va falloir faire un choix. Il y a une valorisation extrême du choix moral, en fait. Est-ce que c'est pas pour ça que c'est régulièrement des jeux qui avancent masqués, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas des jeux qui apparaissent comme des jeux moraux au début, parce que ça peut poser problème à des joueurs qui sont dans une dynamique de distraction et qui viennent soit pour l'exercice intellectuel, le jeu tactique, soit pour le dépaysement, le jeu esthétique, soit pour retrouver des potes. Mais effectivement, le jeu moral là-dessus, c'est presque celui qui va plus prendre le joueur et lui mettre le nez face à la réalité, alors qu'il y a quand même une réelle pratique de jeu qui consiste à se créer une bulle en dehors de la réalité, en dehors des questions qu'on peut se poser quotidiennement. C'est un jeu compliqué de ce point de vue-là en termes de conception. J'ai l'impression qu'on met beaucoup plus facilement des moments moraux dans des jeux qui sont d'un autre type, qui se conçoivent comme distrayants, mais que c'est compliqué de faire un jeu qui soit à la fois un jeu moral et distrayant. Mais en fait, il est distrayant parce qu'il est moral, quoi. C'est le principe du serious fun, quoi. Il est distrayant parce qu'il est cathartique, parce que tu vas être dans des dilemmes, parce que ça va te challenger, puis parce que ça va te provoquer des émotions, tout simplement, quoi. Tu vas vibrer. Mais c'est vrai que du coup, le côté ça va écraser toutes les autres dominantes. J'ai une question, puisqu'on est sur la différence moralité distrayant et voilà. Et en fait, je me fais la réflexion, où est-ce qu'on met la morale là dans ce qu'on échange. Par exemple, je vais reprendre ma marotte, le jeu vidéo. Par exemple, le message d'un Metal Gear, qui est un message contre l'utilisation des enfants dans le cadre de guerre, un message anti-nucléaire et anti-militariste globalement, est-ce que ça, c'est un message moral au sein d'un jeu, alors qu'en plus on fait les pires horreurs dans tout le truc, ou pas d'ailleurs, parce qu'on peut jouer totalement discret, est-ce que ça, on rentre dans le jeu moral comme on l'entend ici? Bah en fait, si tu veux, des fois, il y a des messages moraux, mais qui ne sont pas ludiques. Alors Metal Gear, je peux pas, tu pourras développer, mais moi je connais pas assez bien le jeu. Je reprends Monostatos. Il y a un message moral de Monostatos qui est hyper clair, qui est de dire prenez le pouvoir, vous laissez pas dominer par des tyrannies, même si elles ont l'air de vouloir agir pour votre bien. Soyez souverain, en fait, soyez souverain vous-même, quoi. Il y a un message libertaire, mais qui est hyper hyper clair dans Monostatos. Mais il est tellement clair qu'en fait on ne joue pas avec. Il est acquis. Et quelque part, c'est après, du coup, le jeu est purement tactique. Il n'est pas moral. En termes de diffusion d'un message, c'est presque dommage, puisque c'est un présupposé que ne peut ne pas voir le joueur. Je vais prendre un exemple aussi tiré du News Game et qu'on a évoqué dans le podcast qu'on avait fait avec Bastien Kerspern. C'est le cas de McDonald's Video Game. Un jeu qui a été fait par la Mole Industria, qui est un collectif de développeurs indépendants, plutôt militants, qui voulait dénoncer donc les agissements de McDonald's. Et en fait, ils ont fait un jeu donc dessus où voilà, il faut faire la déforestation de l'Amazonie pour cultiver des pommes de terre et faire des frites, etc. Et en fait, ils se sont retrouvés face à des joueurs qui n'avaient pas compris le message. Qui disaient « Ah super, je vais pouvoir jouer McDonald's, je vais pouvoir faire le plus gros McDonald's du monde entier. » Et du coup, ils sont passés à côté parce qu'il y avait ce présupposé à dire « Non, c'est pas un jeu positif sur McDonald's. Bon, » En fait, là, je veux dire, ça dépend vraiment du packaging de ce qu'il y a écrit sur la boîte du jeu. Est-ce que sur la boîte du jeu, c'est « Ouais, joue McDonald's et deviens le plus grand gérant, ouvre un maximum de restaurants. » Ou là, on dit « Ah bah en fait, c'est un jeu, soit c'est un jeu fun, soit c'est un jeu tactique. » Et puis qu'effectivement, quand tu ouvres la boîte de jeu, tu dis la règle du jeu, tu commences à jouer, tu dis « Ah ouais, en fait, il faut que je déforeste l'Amazonie ou je sais pas quoi, je fasse travailler des petits Chinois, n'importe quoi. » Là, on arrive sur un jeu moral. Si sur la boîte de jeu, c'est déjà écrit « Oui, déforester l'Amazonie pour faire des burgers. » En fait, c'est pas un jeu moral, parce que le jeu est tout de suite, on voit la couleur politique du jeu est tellement annoncée d'avance que les seules personnes qui vont y jouer sont déjà converties au message. Et de toute façon, un jeu moral ne cherche pas à convertir à un message. Il interroge. Il ne donne pas. Un jeu politisé, il donne les réponses. Un jeu moral, il donne les questions. Si je peux enchaîner sur le jeu moral, il y a aussi souvent la notion de tabou. C'est-à-dire que, notamment dans les jeux de rôle, la moralité peut être implémentée dans le jeu, mais ça ne fonctionne que si le tabou peut être transgressé moyennant une dépense de ressources, moyennant un sacrifice. Par exemple, je suis en train de développer un jeu où les personnages n'ont pas le droit de tuer une personne. Sauf s'ils acceptent de prendre une blessure morale, quoi. Hein, grosso modo, et s'ils ont suffisamment de blessures, ils perdent leur personnage, quoi. C'est toute la problématique du jeu Paladin, dont j'ai complètement oublié le nom du créateur, mais qui est vraiment là-dessus, à savoir qu'on joue des personnages dans différents cadres, d'ailleurs, parce qu'on peut produire plusieurs cadres. Le premier cadre étant effectivement qu'on joue des paladins qui chassent des sorcières, mais ça peut aussi bien être des chevaliers de l'espace avec des épées lumineuses qui combattent des espèces de chevaliers noirs. Et c'est toujours la même problématique du, effectivement, on a un code moral fixé avec des lois, des règles qu'on peut transgresser pour avoir un. En gros, parce que le fait de les transgresser nous permet d'accomplir notre mission, mais avec un coût. Et effectivement, il y a cette idée de tu vas forcément perdre quelque chose, choisis ce que tu vas perdre. Et j'ai l'impression que c'est vraiment le centre du jeu moral, cette idée de tu peux pas tout avoir, alors qu'est-ce que tu acceptes de perdre ? Un jeu qui fonctionne à la fois sur les tabous négociables et sur les choix moraux qui sont purement narratifs, c'est L5R. Par exemple, dans L5R, quand je joue des magistrats d'émeraude, t'as pas le droit de faire un interrogatoire. Mais en fait, tu peux payer un aïmin qui est quelqu'un qui est misérable socialement pour torturer quelqu'un. Et en fait, clairement, il n'y a rien qui t'interdit en jeu. C'est juste que moralement, tu comprends bien que ça pose problème. Et en plus, il y a aussi la notion de tabou transgressable. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si tu dis bah, « ce mec, c'est vraiment un connard et je vais le provoquer en duel, je vais le buter », je sais que moralement, ça pose problème. D'après la morale des 5R, tu vois, je vais perdre des points d'honneur ou des points de gloire et tout. tout. Tant pis, je mets en jeu ma réputation, mais je le fais, quoi. Donc il y a la notion de ressources quantifiables, de la réputation, de la gloire, de l'honneur, et il y a la notion de choses qui sont inquantifiables, qui sont purement du jugement moral, quoi. Soit parce que moi je me trouve dégueulasse en fait en tant que personnage à faire ça, quoi. Je dis putain, ça fait vraiment chier que je sois amené à payer un gueux pour torturer quelqu'un parce que j'ai juste pas le droit de l'interroger moi-même. Ou alors parce que tu vas craindre pour ton image en fait. C'est-à-dire que tu te dis, parce que si tu joues pour la gagne, tu te dis ouais, non, mais de toute façon, j'ai pas le choix, je le fais, voilà, c'est comme ça, moi j'ai aucun remords parce que je sais que c'est la seule solution. Mais ce qui va se passer, c'est que c'est ta réputation qui va être en jeu, et notamment dans L5R, les gens des 5 anneaux, t'as les fameux les gens du clan du scorpion qui sont en fait des gens qui ont complètement bradé leur réputation pour pouvoir servir l'empereur, quoi. Et donc il y a voilà, la réputation dans le jeu moral, c'est vraiment quelque chose qui est une notion, une ressource à gérer en fait. Alors pour finir sur le jeu moral rapidement, la réputation, on en a parlé. Alors par exemple les alignements, c'est pas une réputation. Souvent les alignements, dans Donjons & Dragons, c'est une notion tactique. En fait, ça donne une information. Tu fais une détection d'alignement, tu sais que ton vis-à-vis il est chaotique, mauvais, alors que toi t'es loyal et bon. Tu sais que très clairement ça va être difficile de lui faire confiance. Est-ce que tu peux redonner pour nos auditeurs qui seraient parolistes et qui n'auraient pas pratiqué Donjons & Dragons, ce que c'est un peu le principe des alignements ? En fait, c'est un truc qui vient de... Ça vient de Stormbringer à la base, hein, qui a été récupéré dans Donjons & Dragons. C'est-à-dire que Donjons & Dragons distingue deux lignes morales. Il y a la loi et le chaos. Donc tu peux être loyal, c'est-à-dire que tu obéis aux règles. Où tu peux être chaotique, c'est-à-dire bah, tu es anarchique, quoi, tu désobéis aux règles, et il y a le bien et le mal. Donc le bien, c'est-à-dire que bah, tu obéis au bien, et le mal, tu te voues au mal. Et en fait, quand tu crées un personnage, tu dois le placer sur cet axe. Bon, il y a la neutralité qui est entre les deux, quoi. Donc déjà, tu positionnes dès le départ, tu positionnes ton personnage moralement. Et en fait tout le monde est positionné dans le jeu, tout le monde est positionné normalement. Il y a un sort qui est détection des alignements, donc ça je peux savoir si mon vis-à-vis tout de suite peut savoir la couleur entre guillemets politique de mon vis-à-vis, quoi. Moi j'ai vu des parties de Donjons & Dragons dégénérées parce qu'on faisait du porte-monstre-trésor et il y avait les joueurs qui étaient d'alignement bon, ils refusaient de piller les tombes, et les joueurs qui étaient neutres, ils disaient bah attends, on peut piller une tombe, quoi, c'est bon, quoi, on est là pour récupérer les trésors. Et on a arrêté la partie, vraiment un mode fin de jeu typique du jeu moral, on a arrêté la partie parce qu'on n'arrivait même pas à se mettre d'accord sur est-ce qu'on pouvait piller ou pas les tombes. Par contre là où ça ne fonctionne pas, c'est quand c'est le MJ qui dicte comment tu dois jouer ton alignement. Ah, t'es paladin, loyal, bon, je suis désolé, mais ces petits enfants orques étaient censés les tuer parce que tous les orques sont alignement mauvais, t'es obligé de les tuer. Bah non, ce qui est intéressant, c'est que le joueur se questionne de savoir est-ce que le fait qu'il soit loyal, bon, fait qu'il doit tuer les enfants orques ou les épargner, quoi. Et puis il y a aussi, tu disais qu'il y a aussi sur les alignements une notion tactique, c'est-à-dire qu'il y a par exemple certaines typologies de personnages qui nécessitent un alignement. De mémoire, pour jouer un paladin, il faut être loyal bon. Pour jouer un druide, il faut être neutre sur les deux échelles. Enfin voilà, il y a tout un tas quand même de restrictions qui impose, au-delà d'une grille de lecture qui a un manichéisme qu'on apprécie ou pas. En plus de ça, il y a effectivement des notions tactiques de si je joue un paladin, il faut que je joue un loyal bon. Ce qui a poussé certains joueurs à créer, en gros, ou certains créateurs, certains game designers, à créer des variantes de paladin liées à d'autres alignements, en disant, mais attends, un paladin, normalement, c'est un espèce de prêtre armé, mais si du coup, c'est un prêtre armé au nom d'un dieu mauvais, ça n'a pas de sens qu'il soit loyal et bon. Donc, il y a vraiment il y a plein de questions comme ça qui se posent aussi d'un point de vue tactique et d'un point de vue quasiment même esthétique, puisque le paladin loyal bon, ça renvoie aussi à une esthétique de ce que c'est qu'un paladin et cette typologie de personnage. Ouais, tout à fait, hein. C'est la notion des alignements, ça va un peu piocher dans les trois modes. Donc le rôle du meneur de jeu dans les jeux de rôle moraux, c'est de poser des questions, parce qu'en fait il doit en savoir un maximum sur, sur en fait les liens affectifs que développe le personnage, enfin le joueur plutôt, hein, c'est vraiment le joueur qu'on va s'intéresser, et puis son positionnement moral, pour pouvoir justement les challenger après derrière. Son rôle, c'est de créer des liens, parce qu'en fait il y a un personnage type qu'on a dans le jeu moral, c'est le murder robot, c'est-à-dire le joueur qui va se créer un clochard sans attache pour échapper au jeu moral, en fait pour échapper au dilemme. Et le but en fait du MJ, ça va être de lui créer des liens, c'est-à-dire de le forcer à s'attacher à diverses choses, quoi. Moi j'appelle faire des offrandes, en fait. Il faut et ensuite il y a l'obligation pour le maître de jeu, ce que j'appelle l'obligation de cruauté. C'est-à-dire qu'il doit présenter les situations les plus cruelles possibles, et il doit tout faire pour que les joueurs ne puissent pas s'en sortir par des pirouettes, notamment des pirouettes tactiques. Donc par exemple, si tu veux négocier avec un figurant, le figurant il ne sera jamais convaincu par ta verbe oratoire, quoi. Et le figurant il va te demander quelque chose de bien précis, si possible qu'il soit très moralement teinté, et c'est comme ça, quoi. Lui, il négociera pas autrement, quoi. Alors pour nos auditeurs, là on parle de jeux de rôle, mais c'est évidemment, si jamais vous êtes concepteur de jeu, vous avez envie de vous y coller, c'est évidemment des conseils, des guidelines qui peuvent s'appliquer quand on crée un jeu vidéo, voire même un jeu de société. N'hésitez pas à venir nous signaler si vous arrivez à créer des jeux de société moraux, parce que c'est toujours un peu plus compliqué, parce qu'il y a moins d'histoire et que l'histoire provoque effectivement des attachements et des choix difficiles, mais en tout cas ça nous intéresse. Effectivement, c'est vraiment là ce que vous pouvez écouter sur les différentes typologies de jeux, c'est des choses qui se réinvestissent vraiment dans tous les médiums de jeu. Non, oui, pour illustrer par exemple, moi je sais que sur l'alignement ça me parle beaucoup, parce que récemment j'ai créé un jeu de société en game jam où on était un postier. On avait deux conditions de victoire: soit on était un bon postier et on délivrait tout le courrier qu'on avait, voilà, un peu loyal, un peu voilà, soit on était un peu plus dilettante et en fait on allait d'apéro en apéro et il fallait atteindre 4 grammes dans le sang. Donc voilà, c'était c'est plutôt chaotique. Et donc effectivement c'est deux positionnements, et on pouvait aussi changer entre guillemets de casquette pendant la partie si besoin, parce que effectivement l'inspection du travail va sanctionner certains types de comportements, et d'autres éléments venaient sanctionner entre guillemets un bon comportement, même si on se garde bien. Effectivement ce genre de questionnement moral est intéressant. Et du coup, alors le troisième point, parce qu'on arrive déjà à plus d'une heure de podcast mine de rien, qui est l'esthétique. Qu'est-ce que tu entends par esthétique? Est-ce qu'on est que dans le visuel par exemple? Est-ce que tu m'accorderais juste une ou deux minutes pour finir en speedrun sur le moral? C'est vraiment la lecture de mes notes, hein. Ça va être très vite fait. Ce qui est important aussi dans le jeu moral, c'est explorer les conséquences. C'est-à-dire que tu fais un choix moral, mais en fait après on joue les conséquences. Par exemple, ok, t'as décidé de tuer les enfants orques. Si je fais un montage cut là-dessus, que le scénar s'arrête, le dilemme moral il était limité. Si après on explore les conséquences, là c'est beaucoup plus intéressant, quoi. Et il y a la pratique en jeu de rôle qui se fait aussi du flash forward, c'est qu'on fait carrément jouer les conséquences dans une scène du futur pour que le joueur puisse vraiment carrément explorer les conséquences avant de prendre sa décision. Ok, voilà ce qui va se passer si tu tues pas les enfants orques, voilà ce qui va se passer si tu les tues, et là il explore ça, il joue un petit peu dans le futur quelques temps avant de prendre sa décision. Les besoins du joueur, on avait parlé d'agentivité dans le jeu tactique. Dans le jeu moral, en jeu de rôle, c'est un besoin double. Il y a le besoin de combativité, c'est-à-dire que tu joues pour défendre à la fois les intérêts de ton personnage, ses objectifs, et défendre l'image de ton personnage. C'est-à-dire, tu essaies de préserver la réputation du personnage, quoi, entre guillemets. Et il y a le besoin de jouer en absorption, c'est-à-dire qu'il y a besoin de scènes où il y a une absence de danger immédiat, et où tu peux tu peux faire explorer en fait les conséquences de tes choix précédents, développer des liens, et explorer en fait un petit peu ce que ça fait d'incarner ton personnage. Et donc c'est deux postures qui sont importantes dans le jeu moral. Une posture qui a tendance à diminuer l'impact du jeu moral, c'est ce qu'on appelle le jeu d'auteur ou le jeu d'acteur, quoi, qui est de juste jouer pour le beau jeu, quoi. Et en fait, on te demande pas en jeu moral, on te demande pas de jouer le beau jeu, on te demande de jouer pour la gagne, quoi, pour que ton personnage il s'en sorte le plus clean possible, et vraiment comme tu dois tout faire pour écorner le moins possible l'image idéale que tu te fais de ton personnage. Les temps méta dans le jeu moral, ben c'est le temps de réflexion, dilemme moraux, quoi. Et là c'est marrant, moi je me rappelle, j'avais un joueur, quand il se mettait à claquer des dents et qu'il mettait du temps avant de répondre, je savais qu'il était en mode dilemme, quoi. Il est, putain, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je décide, parce que vu ce qui est en jeu, qu'est-ce qui est le plus juste. En fait, dans le jeu tactique, c'est le dilemme tactique, c'est qu'est-ce qui est le meilleur choix, et dans le jeu moral c'est quel est le choix le plus juste. La gestion du temps dans le jeu moral, c'est la multiplication des intérêts divergents et des choses à protéger. Bah, le fameux Batman, est-ce que tu sauves ta nana ou est-ce que tu sauves le juge ? Et donc, c'est la gestion des priorités, elle n'est pas sur le meilleur choix, mais sur le choix le plus juste. Les conditions de victoire, c'est d'être mis à mal dans ses valeurs. C'est-à-dire que si tu joues et que tu n'as jamais été poussé dans tes retranchements, en fait, t'as perdu au jeu, quoi. Gagner au jeu, c'est essayer de pousser dans ses retranchements et avoir été obligé de remettre des choses en question, quoi. Et aussi, il y a une notion d'évaluation par les autres. À la fin de Miles Christie, par exemple, à la fin de chaque aventure, les autres disent quel péché ils pensent que ton personnage templier a commis, quoi. Soit évaluation donc par les autres joueurs, soit par les autres personnages joueurs, soit par les figurants. Dans Odyssée, la notion de légende, c'est-à-dire qu'est-ce que la légende retiendra de moi. Et la conservation du personnage comme enjeu, le seul intérêt qu'il y a de perdre son personnage, c'est que ça permet de préserver son image. Ok, je suis mort, mais je suis mort en me sacrifiant pour sauver mes proches, pour un combat qui m'était cher, voilà quoi. Ou je suis mort pour atteindre mon objectif, quoi. Voilà, du coup, si vous voulez, on peut passer au jeu esthétique. Alors, le jeu esthétique, je trouve que c'est le jeu, c'est un jeu où il y a pas mal de play. Par exemple, les Lego, surtout les Lego où t'as pas de plan, pour moi, on est vraiment là, dans le jeu esthétique. En jeu de plateau, je pense à Dixit. Dixit, ça me paraît vraiment clairement un jeu esthétique, quoi. Alors, il y a des règles, mais en fait, il y a des règles, parce que tu peux jouer pour la gagne à Dixit. Jouer pour la gagne, c'est essayer de placer des images qui sont... c'est de jouer un petit peu avec l'hermétisme et avec le... Il y a la notion de gamble qui est quand même importante dans Dixit. Pour autant, et c'est vrai que Rubira, en plus de son propre aveu, dit « j'ai mis des règles parce qu'il en fallait ». C'est souvent une sorte d'aveu de... C'est un peu le game designer esthétique qui a ce fameux, effectivement, aveu de faiblesse de dire « j'ai mis des règles parce qu'il en fallait ». Pour autant, j'ai quand même une tendresse pour les règles de Dixit. J'estime quand même qu'elles servent assez justement le jeu esthétique dans cette notion de qu'elle introduit de l'hermétisme, du mystère, et donc tu peux jouer à Dixit pour la gagne sans passer à côté de l'expérience esthétique qui est de jouer à Dixit. Je continue, interrompez-moi si vous voulez, parce que sinon je déroule. En jeu de plateau esthétique, il y a un jeu de plateau aussi, jeu de société, jeu de cartes, c'est Munchkin. Alors pourquoi je trouve que c'est un jeu esthétique ? Parce qu'en fait, tu peux pas jouer pour la gagne. Parce qu'en fait, tu crois au début que c'est un jeu à combo, tu fais des combos, mais en fait, très rapidement, il y a un mec qui va balancer une carte explosive, qui va complètement péter le jeu, qui va complètement défaire les équilibres. Et en fait, j'ai tendance à penser, et après je te donne la parole, Emmanuel, que en fait, on développe une esthétique d'une espèce de jeu porte monstre trésor complètement débile, où les personnages combattent des monstres débiles, ont des équipements débiles, genre j'ai les chaussettes du chaos mystique avec un bouclier +1 contre la glace, machin, et ainsi de suite. Et en fait, on a une espèce d'esthétique de la parodie du porte-monstre trésor. Et au-delà du classement de parodie, moi j'ai l'impression qu'on est aussi dans quelque chose de profondément social. Le but dans Munchkin, c'est aussi de faire rigoler les copains. Et je crois que c'est de toute manière un trait commun à beaucoup de party games. Quand on joue, il est évident qu'il y a une dimension tactique quand on joue à Double ou quand on joue à avec le totem à Jungle Speed. Mais avant tout, il y a le plaisir d'être ensemble et de partager un moment autour de jeux qui reste toujours une réalité. Il n'y a pas de championnat international, à ma connaissance. Il n'y a pas de championnat, peut-être que je dis des bêtises, hein, mais il n'y a pas de championnat international de Double ou de Jungle Speed. Et après tout, c'est très bien parce que ce n'est pas un jeu auquel on a envie de jouer avec des étrangers. C'est un jeu, ou alors si, mais quelque part pour apprendre à mieux les connaître. Mais c'est des jeux qui sont profondément... profondément sociaux et de ce point de vue là Munchkin rentre dans la catégorie des party games, même si les parties sont un peu longues pour un party game, où ce qui est important c'est au-delà, enfin quand on a les chaussettes du chaos ou ce genre de choses, ce qui est intéressant c'est que ça fait rigoler les copains autour de la table quand on pose la carte, et on est très content de savoir qu'on va faire rigoler les copains en posant la carte. Oui, je pense que on est d'accord. Pour les jeux de rôle esthétiques, je pensais à Seven Seas. En plus, j'ai réécouté l'interview de John Wick là, qui a été fait pour Ice Cream for Everyone. Tu sentais vraiment que lui voulait émuler l'esthétique du KPDP, quoi, avec un petit peu des côtés un peu geek, un peu magique aussi, mais que il y a des intentions esthétiques qui sont pas toujours tenues à fond par le jeu, mais quand même, je pense quand même le jeu reste à dominante esthétique. On est quand même vraiment à jouer des persos qui ont la classe, qui font de l'escrime comme dans les films de Errol Flynn, et je trouve que malgré son âge, c'est un jeu qui tient bien assez solidement la promesse esthétique. De façon générale, les jeux avec des grosses encyclopédies, c'est des jeux qui invitent à aller parcourir un univers, pas à le créer, mais vraiment à parcourir un univers déjà conçu par l'auteur. Y a vraiment une démarche esthétique de ce point de vue-là. Et puis aussi les jeux à licence, il y a l'idée de faire un peu comme dans les films, je pense au jeu Star Wars par exemple, où un des plaisirs c'est pas nécessairement de devenir plus fort que les autres ou de se poser des dilemmes moraux, mais c'est effectivement d'aller parcourir l'univers de Star Wars d'une façon différente de celle qu'on peut avoir en regardant les films. Du coup, on en revient à la notion d'émission-réception. Voilà, si je joue un jeu vidéo Star Wars, je suis dans la réception parce que j'explore l'univers de Star Wars. Ça y est, moi aussi, j'y suis, quoi. Je peux, oh, c'est trop génial, quoi. Je peux explorer je peux explorer l'univers. Et puis il y a la notion d'émission, effectivement, où moi-même je vais produire je vais faire de la fanfiction Star Wars moi-même, ou dans des jeux sans univers à licence, je vais essayer de célébrer un canon esthétique. Produire, en fait, de créer avec une couleur esthétique, tout à fait. J'ai une question à propos du jeu esthétique. Est-ce que du coup on peut, après je me rends compte qu'il y a une dominante aussi de tactique, est-ce qu'on peut inclure le jeu de puzzle, quel qu'il soit d'ailleurs, parce que c'est vrai que cette dimension esthétique, je pense là récemment dans le milieu du jeu vidéo, il y a The Witness où en gros c'est une île qui est remplie de puzzles. On peut se balader plus ou moins librement dans cette île, mais voilà, globalement il y a cet aspect aussi contemplatif, et à la fois il y a certains endroits, pas tous, où tu as accès uniquement en résolvant des puzzles. Alors qu'est-ce que tu appelles un puzzle? C'est le puzzle dans le sens énigme de puzzle game, ou le puzzle avec des petites pièces qu'on met les unes à côté des autres? L'un ne va pas sans l'autre, et les deux sont relativement similaires. Tu sais qu'il y a des gens qui font des puzzles blancs. J'ai tendance à penser que dans le puzzle, l'esthétique, il est au service du tactique et du défi qui est de reconstituer. Alors je suis d'accord que tu peux, quand tu montes un puzzle et que tu vois l'image se développer au fur et à mesure, il y a très certainement un état de transe esthétique, on est tout à fait d'accord, mais à mon avis il est un féodé, quoi. Mais de toute façon on a écrit tout à l'heure à quel point le jeu tactique se servait de l'esthétique comme un feedback en fait qui permettait d'entretenir le flow. Voilà, un jeu, alors tactique dans l'esthétique, justement un jeu qui le fait pas mal c'est Cops, je trouve, le jeu de rôle. Où en fait, t'es censé résoudre des enquêtes, faire des combats, tout ça. Mais en réalité, c'est surtout des jets de compétences de personnages, quoi. Et en fait, on est vraiment dans l'esthétique. C'est-à-dire, on développe l'esthétique d'un groupe de flics badass, mais qui ont aussi leur vie privée, tout ça, machin. Encore que, ça se trouve, il y a peut-être... finalement, le jeu moral finit par prendre le pas aussi dans Cops. Je sais pas. Mais on a, ouais, on a, je crois que dans COPS, on a presque le cas. Au début, on croit que c'est tactique. En fait, finalement, on se rend compte que c'est esthétique. Puis finalement, c'est moral. Puisque on se rend compte que les méchants, ils gagnent toujours à la fin. Sauf si nous-mêmes, on choisit de sortir des clous. Donc finalement, ils monopolisent vraiment les trois aspects. Il y a une sorte, c'est un peu comme un parfum, en fait. Vous voyez, il y a des notes. T'as une note de tête, c'est-à-dire qui va être tactique. Ensuite, t'as une note esthétique. Et puis finalement, le bouquet final, il est moral, quoi. Voilà. Morale dans l'esthétique. Je prends un jeu de société comme Guillotine. C'est un jeu où tu dois guillotiner des nobles à la Révolution, des nobles et des membres du clergé et tout ça. Et tu dis, c'est vraiment un jeu moral, mais en fait, pas du tout. C'est vraiment un party game à la con. Et clairement, je pense qu'il y a personne qui. Enfin, personne ne fait un questionnement moral de savoir si c'était bien ou pas d'avoir guillotiné des nobles et des ecclésiastiques à la Révolution, quoi. Et quelque part, quand on a les jeux comme les jeux très politisés, c'est pareil. On a un aspect moral, mais c'est tellement une note de tête que finalement, l'aspect moral n'est plus du tout dans le bouquet final, quoi. Et il y a les jeux où l'esthétique est émergente. Je pense que le cas c'est Minecraft, parce qu'il me semble qu'au départ, les conditions de victoire de Minecraft n'ont rien à voir avec le fait de créer du beau, quoi. Il y en a pas. Ok. Alors du coup, je prends plutôt un autre exemple, parce que là, du coup, le jeu, du coup, on est vraiment dès le départ sur une note de tête esthétique. Portal, qui à mon avis, quand même, un jeu tactique, c'est un jeu de puzzle, quoi. Mais il y a, je pense, il y a un moment, il y a un vertige esthétique qui va être émergent, et il y a justement une sorte de pratique de jeu émergente qui est en dehors des missions, qui est de faire des trucs complètement mindfuck avec les portails, et puis de faire des vidéos sur YouTube, quoi. C'est aussi le principe de GTA avec les films qui se font, le machinima et tout. Ça va être une pratique esthétique qui est émergente, quoi. Un bouquet final qui était, à savoir s'il était prévu ou pas par le game designer. Je pense que les game designers de jeux vidéo le prévoient quand même parce qu'ils savent que ça va leur apporter une audience supplémentaire, en fait. Mais ce qui est intelligent, c'est de le faire en émergence. C'est-à-dire que c'est quelque chose de facultatif. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire de l'esthétique avec Portal. Mais si c'est votre kiff, bah en fait, vous avez les briques pour le faire. Oui, pour apporter un complément, en tout cas dans la scène jeux vidéo, c'est d'ailleurs marquant là ces trois dernières années. Il y a l'impression qu'il y a des jeux qui sont faits pour être streamés sur internet, et je pense notamment à Goat Simulator, donc un simulateur de chèvre qui en fait est basé sur une petite open world un peu à la GTA. On est dans une ville et on est une chèvre et on peut tout foutre en l'air avec une gestion de la physique complètement buggée. Et voilà, et donc on est censé s'amuser avec ça, avec une ville avec plein de bugs dedans, et on peut se mettre un jetpack et faire n'importe quoi avec sa chèvre. Et donc il y avait cet aspect-là, les jeux pourraient être fait streamer, et Minecraft en fait est beaucoup plus complexe et insaisissable, dans le sens où effectivement c'est un jeu de construction, on va pouvoir construire et crafter, Minecraft, miner et donc fabriquer des choses, avec effectivement une petite petit ressort de puzzle qui est si on combine tel élément avec tel élément, on arrive à faire maintenant des circuits imprimés, des processeurs dans Minecraft, c'est-à-dire des gens qui vont crafter la brique rouge, je crois, qui est conducteur, etc. Et ils arrivent à programmer des Tetris dans Minecraft, ce qui est très fort grâce cet aspect puzzle. Mais maintenant, cet aspect puzzle est supprimé parce que maintenant il y a des guides de construction qui sont vendus aux joueurs, où vous voulez construire votre maison, pour faire le verre, faut faire ça. Pour faire la brique de telle couleur, faut faire comme ça. Donc voilà, pour ça, pour compléter totalement Minecraft, qui en plus est un jeu où il y a des jeux qui se créent dedans. Et on voit aussi, c'est des jeux où, et je pense que c'est valable pour la plupart des jeux esthétiques, où on a une notion de play en fait, qui est vraiment importante par rapport à la notion de game. Quelque part, le jeu tactique, on est vraiment dans le game, peut-être encore pas mal le jeu moral, et le jeu esthétique, on dérive beaucoup vers le play, quoi. Avec notamment cette notion de suppression des conditions de victoire, quoi. Parce que généralement, les conditions de victoire, elles vont amener à un bouquet final qui sera pas esthétique. Le moral dans l'esthétique, alors c'est là où on est trompeur. On peut avoir des jeux où on a l'impression, des jeux de rôle où les personnages ont des idées moraux. Mais en fait, les joueurs n'en ont pas. parce qu'ils utilisent vraiment leurs personnages comme des marionnettes. Ils sont en mode auteur, quoi. Je sais que Inforenza, le jeu que j'ai édité, au début je pensais que c'était un jeu moral, et en fait je me suis rendu compte à force de pratiquer que effectivement je pensais que c'était un jeu moral parce que les personnages avaient souvent des dilemmes moraux, très souvent. En fait, je me suis rendu compte que la pratique du jeu, bah, qui était assez, on va dire, plutôt émergente, c'est qu'en fait, les joueurs ils faisaient des choix moraux, mais c'était pour le style. Le jeu, ça, la tagline du jeu, c'est héros, salaud et martyr. Et en fait, il y avait une sorte d'esthétique de la morale, quoi. Et du coup, par exemple, et donc, y a cet aspect-là. Il y a aussi, je trouve, comment. Un jeu moral en jeu de rôle, si on partage trop la narration, j'ai tendance à trouver que ça dérive vers le jeu esthétique. C'est une petite critique que j'ai à faire, par exemple, à un jeu comme Les Cordes Sensibles de Frédéric Saintès, qui, à mon avis, la promesse, c'est vraiment un jeu moral. Mais moi, j'ai le sentiment que comme c'est un maître de jeu tournant, eh ben, on se fait trop de politesse. En fait, c'est difficile d'être cruel avec les personnages des autres quand c'est à ton tour d'être maître de jeu, parce que tu sais, quand c'est à ton tour d'être personnage, ils vont te renvoyer ta cruauté dans la gueule. Et du coup, en fait, pour que le jeu fonctionne, j'ai l'impression que la pente qu'on prenait, c'était se mettre en mode auteur, en fait. Ouais, du coup, on va surtout jouer pour raconter une belle histoire. Et d'ailleurs, c'est une mise dans le narrativisme, la fameuse haine, des fois, ils n'arrivent pas à se positionner et dire on joue pour faire des dilemmes moraux ou on joue pour raconter une histoire poignante, qui en fait n'a rien à voir. C'est-à-dire que tu peux être complètement esthétique, raconter une histoire poignante avec des aspects, avec des aspects éthiques très importants, mais en fait. Si toi, en tant que joueur, t'es pas poussé dans tes retranchements, tu n'es pas dans le jeu moral. J'ai tendance à dire que du coup, en jeu de rôle, le jeu moral, il se prête vraiment bien à une asymétrie, un MJ des joueurs, avec un MJ qui est vraiment dans ce rôle de cruauté, quoi. Bon, c'est très personnel, hein, tout le monde ne serait pas d'accord avec moi sur ce point. Alors, je poursuis assez rapidement. Du coup, souvent, en termes de partage de narration dans les jeux de rôle esthétiques, l'enjeu c'est pas est-ce que je réussis ou est-ce que j'échoue, mais c'est qui raconte. Notamment, c'est assez prégnant dans un jeu comme House of the Blooded de John Wick et dans The Pool aussi. Dans The Pool, t'as vraiment l'enjeu est-ce que c'est moi qui raconte ou est-ce que c'est le maître du jeu. Et par exemple dans Inforenza, quand on joue Inforenza esthétique, souvent quand on fait des conflits, on sait d'avance qui va gagner le combat, c'est juste qu'on joue pour savoir les conséquences ou pour savoir qu'est-ce qui se résout exactement, quoi. Toujours en jeu de rôle ou truc approchant, Archipelago, qui est un jeu sans meneur, enfin un meneur tournant, bref, c'est toujours un peu compliqué à définir ces trucs-là. En tout cas, il y a l'idée que on décrit 2-3 éléments, parce que l'univers se construit avec tous les joueurs. En début de partie, on donne en tout cas quelques lignes de force, et chacune des lignes de force, chacun des éléments centraux, la magie, les plantes, enfin les éléments qu'on a définis comme éléments centraux, et propriétés d'un joueur qui peut effectivement avoir le dernier mot en cas de débat sur quelque chose qui est lié à cet élément-là, ce qui permet d'avoir des lignes de force qui soient assez structurées, même si il y a pas de meneur, et donc si tout le monde peut prendre un peu la parole sur tous les sujets. Mais en tout cas, il y a effectivement des solutions pour arbitrer qui sont des choses assez typiques de ce qu'on peut trouver sur une approche esthétique. Ensuite, la résistance dans les jeux de rôle, c'est-à-dire comment faire pour dans les jeux de rôle esthétiques, comment faire pour accomplir ce qu'on veut, souvent elle repose sur la séduction, en fait. C'est-à-dire que ça va marcher si ta description elle est cool. Par exemple, dans Wushu, plus tu vas raconter de trucs cool, plus tu vas avoir de dés, quoi. Il y a vraiment cet aspect de séduction qui est importante dans Prosopopée. En fait, il faut que tu racontes des trucs cool, comme ça les joueurs vont te filer des dés, et donc comme ça quand tu auras des problèmes à résoudre, ben, tu vas pouvoir les résoudre parce que tu as raconté plein de trucs cool avant. Et d'ailleurs c'est amusant parce que souvent les jeux de rôle esthétiques, le moteur physique il est pété. Par exemple dans Prosopopée, comment ça se fait que je suis plus fort pour résoudre des problèmes parce que j'ai raconté des trucs cool avant? Ça n'a rien à voir. C'est ce qu'on appelle le positionnement. mécanique, le lien entre les mécaniques et fiction, il est souvent dans les jeux esthétiques, il est volontairement pété. Parce que ça va permettre l'émergence d'une esthétique, en fait. Parce que aussi, il y a des trucs un petit peu méta, quoi. On t'encourage de façon méta à raconter des trucs cool, même si, effectivement, je veux dire, par exemple, pourquoi je vais dire je donne un coup d'épée à mon adversaire et dire ouais je fais des grands moulinets machin, comment, en quoi la deuxième option est plus efficace, quoi? Tactiquement ça n'a aucun sens, en termes de réalisme on s'en fout, quoi. Donc dans les jeux esthétiques souvent il y a un désintérêt du réalisme, sauf si vraiment sauf si la couleur du jeu c'est une couleur naturaliste, quoi. Et il y a un certain désintérêt en fait pour la corrélation entre mécanique et fiction. Alors je dis pas qu'on peut pas faire un jeu esthétique où la corrélation soit pas forte, mais c'est pas obligatoire. Par contre, ce qui est souvent important, c'est la cohérence. C'est-à-dire que il faut que tu sois cohérent avec l'univers officiel. Il faut que, bah, si on est dans un jeu de space opéra et que toi t'as décidé de jouer une sorcière médiévale fantastique, les autres joueurs vont te regarder avec des gros yeux. Sauf si on est dans un univers transfictionnel où on mélange plein de trucs, quoi. Mais donc il y a cette notion de cohérence qui est très importante. Il y a la notion de joueur expert, quoi. S'il y a l'expert des armes à feu qui va dire que les armes à feu ça fait tel effet, ainsi de suite, quoi. C'est des jeux qui se prêtent bien à la mise en abîme. Le cas typique c'est Bimbo, où en fait tu joues des actrices qui jouent des personnages de films, tu peux aller corrompre le producteur, tout ça. Et en fait c'est vraiment quand tu vois une mise en abîme et des rêves de dragon, en fait, quand tu vois une mise en abîme, tu peux être certain que derrière il y a un jeu esthétique. On voit un jeu comme Sombre. En fait, c'est un jeu au départ qui est le jeu de base. Pour moi, c'est un jeu esthétique. C'est la peur comme au cinéma. Il y a quand même une volonté de retranscrire les codes d'un genre. Et il y a un truc qui est important, c'est les cartes de personnalité. T'as des cartes. Voilà, moi, au début, je suis brutal. Ensuite, je deviendrai violent. Je deviendrai sadique. Et elles sont facultatives. Ça, c'est important. Parce que c'est quoi ? Ça veut dire que c'est une invitation au roleplay. Et t'as le droit de les ignorer. Et en fait, il y a une variante de sombre. Alors moi, j'avoue, on pourrait facilement hacker le jeu en faisant un jeu plus tactique, en disant non, bah, en fait, le maître de jeu peut te sanctionner si tu respectes pas ta personnalité, par exemple. Il y a une version de sombre qui s'appelle Sombre Zéro, où tout simplement, il dégage les personnalités. Il n'y a plus les personnalités. On est vraiment, on reste vraiment sur l'attrition. Et là, du coup, avec des scénarios, bon, le jeu fonctionne s'il y a des bons scénarios. Sombre Zéro, il faut qu'il y ait des bons scénarios, sinon ça fonctionne pas. Généralement, les scénarios, c'est des puzzles tactiques, quoi. Et là, du coup, en fait, tu enlèves un élément. Et le bouquet final devient tactique, quoi. Je continue, sauf si vous m'interrompez. Hein. Les besoins du joueur, c'est quoi les besoins du joueur dans les jeux esthétiques, que ce soit jeu de rôle ou autre? Je pense que c'est la performance, c'est la notion de performance, c'est-à-dire le beau jeu. En jeu de rôle, ça va être le beau roleplay. Ça va être aussi ce qu'on appelle le jeu collectif, c'est-à-dire que le bon role player, c'est aussi celui qui n'écrase pas par sa présence, qui va donner à voir, qui va créer du jeu avec les autres personnages, il va créer des liens avec les autres personnages exprès, et qui va aussi savoir se taire pour que les autres puissent s'exprimer et tout. Donc on est vraiment sur une notion de performance, et c'est aussi en ça que des fois le jeu de rôle se rapproche de la pratique du happening. Je pense que dans les flash mobs on a aussi cette notion de performance, d'émulation par la performance artistique, mais aussi côté social évidemment, hein. Les temps méta dans le jeu esthétique, c'est les temps dédiés à l'imagination. Je sais, quand on joue à une Forenza, il y a des blancs et des fois on fait E parce qu'on a une contrainte créative et puis on essaie de la mettre en jeu. Si tu fais du jeu de rôle avec le jeu de cartes Imagia de Grumpf, tu vas piocher une carte avec une image. Grumpf, il y a pas mal de cartes avec dans Ultré par exemple, avec des rebondissements que tu dois un petit peu mettre en narration. Tu as ce moment où ton moteur créatif il tourne et tu t'arrêtes, tu réfléchis. On voit souvent les joueurs, ils hésitent entre plusieurs possibilités. Et en fait, on est dans des choix, dans le temps du choix, c'est le temps du choix esthétique, quoi. Qu'est-ce qui va être le plus cool à raconter ? et aussi des fois avec, avec les peurs qu'on a vraiment en gesthétique, ouais mais je vais avoir peur d'être obscène, je vais avoir peur de paraître ridicule et ainsi de suite quoi. Les peurs créatives quoi. La gestion du temps dans le jeu esthétique, c'est notamment l'importance à essayer de clôturer les arcs narratifs. Avec souvent, quand on joue esthétique, on a vraiment le côté méta où on fait comme si on jouait une série, quoi. Donc il faut que chaque aventure, quand on finit la séance, il faut qu'il y ait une fin, quoi, vraiment. Le jeu moral supporte très bien de ne pas finir, de tout le temps finir en cliffhanger, où il y a une notion de continuum. Dans le jeu tactique, je pense que la notion de continuum elle est assez présente. Tandis que dans le jeu esthétique, il y a vraiment un attachement à avoir une montée en tension, à avoir un climax et avoir une notion de on clôture des arcs narratifs. Ça, cette histoire-là, il faut qu'on la clôture pour en démarrer une autre. Et la notion d'arc narratif, pour moi, c'est purement une notion, c'est principalement une notion esthétique, même si on va la retrouver dans le jeu moral, mais pour moi, c'est surtout esthétique. Voilà, et puis il y a la notion de rythme, de maintenir toujours l'intérêt des joueurs éveillés, quoi, d'apporter des twists. Voilà, si à un moment il y a une esthétique qu'on a trop exploitée, bah, on va la twister. Bah, notamment, tu vois, dans Sens Renaissance, dans la trilogie Sens, à chaque bouquin, il change complètement l'esthétique du jeu, quoi. Le look du jeu a plus tout la même tête pour renouveler en fait l'intérêt, quoi. Il y a un besoin de foisonnement créatif permanent, quoi. Les conditions de victoire, bah, c'est la fierté de créatif, hein, la performance et le plaisir aussi. On est dans une émission de réception, le plaisir d'être public aussi, d'avoir assisté. Quand il y a des joueurs qui disent je joue pour l'histoire, je joue pour voir une histoire, souvent c'est surtout je joue pour avoir un plaisir. Pendant l'aventure, je veux avoir un plaisir de public. On en revient à ce qu'on disait en début de podcast, c'est-à-dire que le plaisir esthétique là, enfin ce plaisir esthétique dont tu parles, c'est le plaisir social que l'on va l'avoir, puisque voilà, j'y étais. Un peu ça, c'est où je l'ai fait, où j'ai participé à cette chose là. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens en tant que joueur ayant vécu ce genre de plaisir esthétique. C'est un peu comme quand on est devant un tableau et on va dire ah oui, moi j'ai vu Mona Lisa, j'ai vu ce Rothko ou que sais-je. Tu voulais réagir, Manu. Alors, il y a effectivement, après, mais ça, c'est la génération d'échange. Il y a quand même une différence entre effectivement avoir été face à quelque chose seul et en parler après, ou avoir été avec d'autres personnes au sein d'une partie, notamment en jeu de rôle, et avoir le sentiment des spectateurs qui constatent ce qu'on a produit soi-même esthétiquement. Parce qu'effectivement, dans le jeu esthétique, tu as aussi. Pour le coup, des pratiques émergentes, on a parlé un peu plus tôt de GTA, se balader à la nuit dans Liberty City en écoutant la radio dans sa voiture est profondément une pratique esthétique par nature. On n'a pas besoin de le raconter aux autres, on peut le dire aux gens, on n'a pas besoin d'un public non plus, c'est quelque chose de très très personnel, il n'y a pas de dimension sociale à proprement parler par nature. Là où effectivement un jeu qui se pratique à plusieurs et où le système de récompense c'est aussi l'assentiment des autres qui trouvent cool ce qu'on a raconté, implique qu'il y a des gens pour trouver cool ce qu'on a raconté. Dans GTA, il n'y a pas la nécessité que quelqu'un trouve cool les circuits qu'on fait dans Liberty City et la convergence entre ce qui passe à la radio et ce qu'on voit autour de nous. C'est un plaisir personnel, je ne veux pas dire onaniste, mais en tout cas on se fait plaisir tout seul, quoi, quand même. J'en suis pas sûr parce que après en fait des jeux comme GTA, mais on prend GTA mais on aurait pu prendre d'autres hein, où il y a de l'inattendu, je pense notamment Far Cry, à partir du Far Cry 3, enfin tous les Far Cry, ce truc c'est voilà, je me baladais tranquillement dans la forêt et paf, il y a un ours qui m'a attaqué et ça a été une bataille épique. Et effectivement, l'aspect social, l'aspect partagé n'est pas obligatoire, mais elle fait sans doute partie du fun. Et effectivement, on partage ensemble. Dire ah moi ce que j'aime bien dans GTA c'est me balader avec telle musique dans telle rue à telle heure. Effectivement, pour les non joueurs de GTA ça ne parle pas beaucoup, par contre pour ceux qui ont joué c'est un vrai délice. Ouais, parce que t'as un plaisir social de créer un référentiel commun, de le partager, ouais. la conservation du personnage comme enjeu dans les jeux esthétiques, en fait, c'est intéressant de perdre son personnage uniquement si ça sert l'histoire. Si ton personnage il a une mort classe, ou si à ce moment-là c'est vraiment juste qu'il meurt. Moi je sais que par exemple, expérience pure esthétique, j'avais une. Enfin, tu décides de jouer un suicidaire, et en fait tu décides qu'il est suicidaire, que de toute façon il va aller vers ça, c'est programmé, et que en fait tu t'attends le meilleur moment pour placer le moment où il va se suicider, quoi. Alors ça c'est purement esthétique. Alors moi je suis chié, une fois je l'ai fait sans prévenir les autres joueurs, en fait. J'ai décidé de jouer un personnage suicidaire, et en fait il y a un moment, il y a un train qui passe et je me suis jeté dessous sans les prévenir. C'était un peu chié. Hein. voilà. Il y a aussi l'intérêt, c'est si tu peux avoir la fameuse mort classe, le principe du famous last word, qu'on se souvienne de moi comme un pacificateur. Enfin... Et puis aussi souvent, quand tu joues esthétique, tu vas faire crever ton personnage juste parce que tu as envie de changer de style, explorer un nouveau personnage. Donc bon, bah que celui-là, et pour une raison purement narrative, tu préfères que ton personnage meure plutôt qu'il soit éclipsé. Donc il faut qu'il y ait une cohérence pour qu'on le voit plus du tout. Donc tu lui offres une mort classe et après tu changes de perso. Très rapidement, je conclue. Il y a un principe, il y a ce que j'appelle l'ourobore, en fait. C'est qu'en fait, ces atomes de jeu, ils se mordent la queue. Et c'est aussi pour ça que l'analyse, elle est tellement compliquée. Je vais prendre un exemple qui m'a assez ému. Il y avait un auteur qui analysait la façon dont jouait à Donjons & Dragons, premier du nom, en fait, enfin, et puis tout ce qui est OSR. Et il disait, en fait, le fait qu'il y ait tout le temps une adversité, et puis en plus, qu'il n'y ait pas d'équilibre du jeu, c'est-à-dire que l'adversité peut arriver à tout moment et on ne sait jamais si elle sera bien dosée et si on sera capable de l'affronter et tout, et qu'on est obligé d'accepter cet état de fait. Et ben ça me rappelle ma femme qui est atteinte du cancer, et je sais jamais, à tout moment je sais que son état peut se dégrader et qu'on sera pas forcément de taille à lutter et tout, et qu'on est accepté, en fait ça me rappelle ça. Et en fait tu vois, il part d'une émotion qui est purement tactique, et en fait il y a un effet, qu'on arrive à un effet d'invasion du monde réel, quoi. Et on arrive finalement sur il nous expliquait une dimension morale énorme dans Donjons et Dragons, quoi. Avec cette notion d'acceptation de l'adversité et d'acceptation que quand on joue en Forget Game Balance, les choses sont pas équilibrées parce que le monde n'est pas juste, quoi. Le monde, il n'est pas équilibré, quoi. T'es danger, y a pas, les facteurs de puissance n'ont pas été calculés pour que tu puisses les affronter, quoi. Et les niveaux d'analyse sont très compliqués. Souvent, j'ai tendance à dire que le bon niveau d'analyse, c'est soit analyser le jeu dans son ensemble, la totalité des mécaniques, et aussi avoir être capable de repérer, si on veut faire une analyse critique, repérer les pratiques émergentes, c'est-à-dire qui ne sont pas listées dans les règles, mais on sent bien que clairement ça va émerger. Et l'autre niveau d'analyse qui me paraît pertinent, c'est l'analyse de la partie. L'analyse de la scène, c'est très très casse-gueule. Je rappelle Sildoine Fine sur un forum, il nous a soumis un exemple. On joue une partie où les elfes sont des gros fachos, on est dans une ville d'elfes, et il y a un joueur en fait qui est hyper naïf, qui croit tout le monde, qui a rien compris sur le fait que les elfes étaient des fachos. Il joue tout naïf, et à un moment il donne une bourse d'or à un clochard, et en fait les gardes elfes vont tuer le clochard parce qu'ils estiment que le fait qu'il soit en possession d'une bourse d'or, c'est qu'il a certainement volé. Et en fait on met en situation les joueurs en situation de spectateur, c'est à dire que quand ils voient la chose, mais ils n'ont pas le temps d'intervenir, quoi. Et ben en fait on était là à se demander, mais attends, est-ce que ça c'était tactique, est-ce que c'était esthétique, est-ce que c'était moral? Et en fait la vérité, c'est que pour savoir, il fallait vraiment analyser vraiment à l'échelle de toute l'aventure, qu'est-ce que ça a amené au final, est-ce que les joueurs ont été amenés à se positionner moralement ou pas du tout, est-ce que c'était juste un moment esthétique où on vous explique, ouais, vous voyez comment les elfes sont des connards, quoi. Est-ce que je peux conclure très rapidement sur le social? J'ai 4 lignes. Alors, les jeux sociaux, je pense être des jeux presque purement sociaux, il y a action et vérité, à mon avis. Les jeux où il y a du social, les jeux avec toute petite base tactique mais une grosse émergence sociale, c'est les jeux à boire, quoi. Le jeu du Caps, c'est un jeu d'adresse, mais c'est quand même surtout un jeu social et puis un jeu pour se péter la tronche, quoi. Les jeux où il y a du social dans le moral, c'est clairement un jeu comme Feelings, quoi. Tu dis on présente sur un dilemme moral, mais en fait je pense que la finalité du jeu, c'est en apprendre plus, c'est sur l'empathie, c'est en apprendre plus sur ton vis-à-vis, en savoir plus sur lui, comment il réagirait face à telle situation, puis amener des discussions, amener une conversation, quoi. Il y a Descartes qui dit comment faites-moi jouer avec quelqu'un, j'en apprendrai plus sur lui que pendant une année de conversation. En fait, typiquement, un jeu, c'est une conversation, et souvent c'est une conversation qui va viser une intensité d'échange social, qui va faire que tu vas beaucoup apprendre, tu vas apprendre beaucoup plus sur la personne. Voilà. On avait dit qu'il y avait les jeux d'argent où en fait clairement j'ai tendance à penser que moi ça écrase tous les autres atomes du jeu. Enfin, je peux peut-être me tromper, il y a peut-être un aspect de trans aussi possible, ou aussi la professionnalisation du jeu, quoi. Quand on est pro gamer, quand on est footballeur professionnel, est-ce que l'aspect tactique existe encore? Bon. Un joueur professionnel, que ce soit de poker ou de StarCraft, pour prendre des exemples un peu différents, même s'il y a des convergences, il ne peut gagner de l'argent que s'il est bon tactiquement. Donc il y a quand même. Par contre, effectivement, le plaisir, c'est pas d'être face à une adversité équilibrée. Le plaisir, c'est de gagner. On est d'accord. Ouais, du coup, quand on parle des fun de Nicole Lazzaro, les fun, ils sont sans doute pas présents, parce que là, tu bosses, hein, t'es en train de bosser, hein, quand tu. Même si souvent, c'est marrant parce que les footballeurs, quand ils parlent à la tribune, ils parlent souvent de plaisir. On a pris du plaisir à jouer et tout. Mais je pense que là, c'est aussi une posture, en fait. Ils essayent de faire croire qu'ils s'amusent. Alors, je pense qu'on essaye toujours, d'une façon ou d'une autre, et c'est plus ou moins facile suivant les métiers, mais on essaye toujours de trouver du plaisir dans son travail de toute manière. Et pour le coup, quand c'est un travail qui a une pratique plus ou moins ludique à la base, c'est d'autant plus légitime. Oui, pour conclure ce truc-là, moi je parle souvent d'attitude, je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, effectivement une attitude purement ludique, une attitude purement professionnelle, et en fait je crois que le mot pour définir notamment les jeux d'argent, c'est une attitude économique de gain et de profit. Donc, selon où est-ce qu'on s'aligne là-dedans, si je pense que tout est un peu lié, que parfois on a une attitude un peu économique, avec notamment est-ce que ce jeu vaut mon argent, vaut pas 20, 50 euros, que sais-je. Il y a aussi cette attitude-là. On a pas mal défriché. Est-ce que tu veux aborder un dernier point? Parce que le temps défile et on approche quand même des 2 heures de podcast, ce qui, ça va être un record, ouais. Oui, je voulais faire une toute petite conclusion sur le fait, est-ce qu'on fait un jeu avec beaucoup d'atomes ou avec un seul atome, quoi? Notamment, c'est pour ça que la GNS a été mise en veille par ses créateurs, parce qu'ils ont il était condamné parce qu'on disait que ça fait des jeux de rôle qui sont trop centrés sur une démarche, et du coup ils sont dictatoriaux et ils n'ont pas une bonne replay value. Et en fait il y a ce débat de est-ce qu'on vise l'intensité, auquel cas souvent je pense qu'on va viser un ou deux atomes qu'on va exploiter à fond, ou est-ce qu'on vise la profondeur, c'est-à-dire avec comme un parfum, avec plusieurs notes, avec effectivement plusieurs et autre, l'autre question que j'avais c'était faire des typologies de jeux, mais est-ce qu'il y a des joueurs qui sont majoritairement tactiques, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont majoritairement moraux, tout ça, ou est-ce que c'est vain de vouloir faire une typologie de joueurs qu'en fait soit qu'on est tous un petit peu caméléon, on a des rôles, des attitudes, et d'une fois sur l'autre et en plus des fois les jeux nous dirigent dans les pentes, et on a discuté hier, le bon joueur quelque part, est-ce que c'est le joueur qui se glisse dans la pente du jeu, qui arrive à décoder le message que lui envoie le jeu et dire ok, j'ai compris que t'étais un jeu social, bon bah du coup on va jouer à la rigolade, si on joue à Time's Up on va jouer surtout pour déconner, quoi, parce que c'est vrai qu'il y a un petit côté apprentissage, mais c'est surtout un côté déconne. Voilà, c'est surtout un côté déconne, une excellente conclusion à cet exposé de près de 2 heures. On va quand même se garder notre question traditionnelle pour la fin, et on va essayer de faire vite, histoire de ne pas trop déborder, même si on s'en fout, on n'a pas de case. À quoi tu joues, Thomas, en ce moment? Alors, en ce moment, j'essaye de jouer à autre chose que mes propres jeux. Et là, le prochain que j'ai testé, c'est Happy Together, là, de Gaël Sacré, qui est un jeu en test et qui est très marrant parce que c'est pour le coup c'est un jeu esthétique où on joue des histoires à la Quartier Lointain, des histoires très contemplatives de gens normaux à qui arrivent des choses normaux avec, pour ainsi dire, très peu d'adversité, donc ça va être une nouveauté pour moi. Ben merci beaucoup. Pour moi, ça va être bon. On a fait le tour. On a bien défriché. Si vous êtes game designer, je pense que là, vous avez pas mal de bonbons. Si vous ne l'êtes pas, j'espère que ça vous aura donné envie de regarder vos jeux un peu différemment, voire même d'aller bricoler dedans. En tout cas, moi, oui. Et puis voilà, on se retrouve dans 15 jours avec un nouveau sujet, des choses encore exploratoires. On va plus, pour le coup, parler de problématiques morales et sociales. On va y revenir, je pense. On vous en reparle, bien évidemment, dans 15 jours. On vous dévoilera l'invité, le sujet, tout ça. Je te passe la main pour le mot de la fin, les au revoir, Adrien. Et oui, c'est important de dire au revoir à son public. Eh bien, oui, effectivement, ça va être le 16e ou 17e, non, je ne sais plus, 25, 26. Numéro de Ludologie, c'est toujours un plaisir. Et voilà, continuez de jouer tant qu'on a encore le droit. À bientôt.